On peut commencer? Bah oui. Ah, t'as eu le silence. Ok, bah merde. Bienvenue dans le dernier épisode de Podcorn de la saison. On va parler de films fous cette fois. C'est sûr qu'il n'y en a pas le mois prochain. Bah non, on est en vacances. Oh, trop cool, quoi, trop cool. On est en vacances jusqu'en septembre. Arrête de taper sur cette table. La paix, quoi. Ouais, mais non, en septembre. Ah oui. Oui, enfin, et merde, j'ai perdu mon truc. Ouais, bah bonjour. Oh, fait chier. Best intro. C'est la récré. Ouais. Ah bah oui, là c'est la fête, c'est la fête. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, on a Julien. Salut. Émilie. Salut. Raphaël. Salut. Héloïse. Bonjour. Et Walid. Bonjour. Et moi. Bon, ça y est, on peut attaquer là. Alors, on est chaud là. On est chaud. Alors, puisque c'est le dernier, c'est Raphaël qui commence. C'est moi qui commence. Je pose mon verre où du coup? Dans ton cul. Dans ton cul. C'est le titre de mon film, justement, belle transition. Poli, non, c'est pas ça, c'est parce qu'à chaque fois, il m'engueule, parce qu'à chaque fois, je fais du bruit avec le verre. D'accord. Quand je le pose. Ouais, mais, bah oui, mais si c'est mouillé. Et toi, t'es mouillé? Bon. Allez, vas-y, Raph, c'est bon. De temps en temps. Bon, vos gueules. Alors, c'est moi qui ouvre le bal. Et ta gueule aussi. Et ma gueule. Et la reine du bal. Et la reine du bal. Et le trou c'est du bal. C'est important d'ouvrir la reine du bal. Faut ouvrir la reine du bal, c'est très déjà important. Déjà marre, déjà ras-le-bol, c'est vivement les vacances. Allez, vas-y, abrège. Alors, j'ai choisi aujourd'hui, dans la thématique film fou, The Acid House de Paul McGuigan. Alors, pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que je savais pas quoi choisir, en fait, concrètement, j'avais aucune idée. Et j'ai regardé mes DVD, je tombais, mais oui, mais ce film que je regardais beaucoup quand j'étais ado et que j'avais complètement oublié, en fait. Qui est en fait un trio de moyens-métrages basé sur le livre du même nom de Irvin Welsh qui a écrit Trainspotting. Plus connu pour ça, même très connu pour ça. Alors qu'est-ce que c'est que ces trois nouvelles adaptées? Globalement, ça se passe dans les milieux ultra prolo, on va dire, anglais, vraiment très beauf, dans le sens très on est vraiment dans le milieu extrêmement pauvre de gens qui sont peuple ils vont pas être partagés contre. entre la drogue, les hooligans, la prostitution, les machins, enfin bon voilà, mais dont ce genre de film anglais. Mais ça se veut malgré tout plus ou moins comme son nom l'indique assez acide dans le sens comique critique, mais voilà. Alors commençons avec le premier. On sent le mec qui a bien travaillé. J'ai bien bossé, j'avais préparé mon intro, elle est très claire, très nette, magnifique. Bon, ça va être mieux en parlant des films, en fait. Donc, le premier, je pense, c'est le plus drôle, mais je le trouve assez cool. C'est l'histoire de Bob. Avec un A, attention, c'est original. Boab. C'est l'histoire de Boab. Boab. l'histoire de Bob. C'est l'histoire, en fait, de la loi de Murphy, où tout ce qui peut arriver de pire va arriver. C'est l'histoire du mec qui passe la vraie journée de merde, en fait. La vraie de vrai. Donc, en fait, ça commence donc par Bob, qui Boab, qui joue dans l'équipe de foot du club local, en fait. Et donc ça commence par le match, hein, donc c'est très, ils jouent très mal, ils jouent tous très mal, c'est un club de 3ème division, vraiment d'une ville paumée en Angleterre. Et donc ça commence par essayer de virer par son club de foot, hein, où on fait leur comprendre que là, ils espèrent monter un petit peu en gamme et qu'il, bon, qu'il faut qu'ils se débarrassent de lui parce qu'il est vraiment trop nul, quoi, clairement. Ensuite, bon, bah il rentre blasé chez ses parents. Direct, son père enchaîne, fiston, faut qu'on parle, t'as 23 ans, moi, à ton âge, j'étais engagé chez les marines, on te laisse 15 jours pour te barrer, ta mère et moi, c'est important pour la suite, ta mère et moi, on est dans une phase spéciale de notre vie, il faut qu'on se retrouve, tout ça, on y reviendra. Donc ensuite, il appelle sa nana, disant, bon, bah, on va habiter ensemble, quoi, et elle lui apprend qu'elle a rencontré un mec. Donc il se fait larguer dans la foulée, sympa. La nana avec qui il était depuis qu'il était ado. De là, c'est quand même un... Il date de quand ce film, je sais plus. 80, milieu d'année 90, donc il est dans une cabine téléphonique. De là, il s'énerve dans la cabine téléphonique et il se fait arrêter par les flics. Donc il se met en cellule parce qu'il était en train de péter la cabine téléphonique. Et de là, on assiste à une scène assez cool où... T'as deux matons, enfin deux flics qui font leur tournée, donc t'as le premier qui dit « Alors, c'est qui dans cette cellule ?»« Ah, c'est un violeur, oui, oh, elle l'avait sûrement cherché. » L'autre, « Ah, celui-là, il a poignardé un gamin, mais ils disent « Oh, jeu de main, jeu de vilain, tu vois. » Et le dernier, « Ah, il a vandalisé une cabine téléphonique, t'es là. » T'entends. Et là, donc, il rentre dans sa cellule, il le défonce, il le tabasse, et en fait, t'as le flic qui sort un espèce de discours anti-prolétariat, faisant comprendre qu'il est actionnaire des télécoms, et qu'il supporte pas qu'on défonce son investissement comme ça, et tout, c'est n'importe quoi. De là, transition le lendemain, bon, bah, sans surprise, hein, il se virait de son boulot, qu'un discours un peu comme dans Les Trois Frères, je me souviens de cette scène où Légitimus se fait... qui avait de son boulot, enfin bon, un truc sur les actionnaires, sur la rentabilité, voilà, bon, c'est la totale. Et donc là, bon, il finit en toute logique, comme tout mec qui se respecte dans un pub, à se bourrer la gueule tout seul après cette belle journée. Normal. Et là, t'as un vieux qui vient le voir, c'est une des scènes les plus drôles que je connaisse, t'as un vieux qui s'accoste à sa table et qui, quand on gâche la conversation, lui disant... T'as vraiment bien merdé, mon gros, hein, tu vois, comme ça, direct. Le mec, il fait quoi? Qu'est-ce que tu dis, quoi? Puis le mec, il dit, je suis Dieu. Je te dis que t'as vraiment merdé, quoi. Et il dit, qu'est-ce que tu me racontes et tout, quoi. C'est une espèce de discours, et en vrai, le mec, il fait comprendre que c'est Dieu, quoi, genre, vrai Dieu, quoi. Et donc, lui dit qu'il a décidé de se venger sur lui. Parce que Dieu a fait l'homme à son image. Et que lui, Bob, c'est vraiment son image, c'est une grosse merde fainéante qui rate tout ce qu'il fait comme Dieu. Du coup, il a décidé de se venger sur lui, quoi. Et donc c'est assez cool. Et il le transforme en mouche. Voilà, il le transforme en mouche. Donc de la deuxième partie du film, où il décide de se venger donc de tous ceux qui l'ont fait chier jusqu'en étant une mouche. Alors il se venge pas de tous, mais il va d'abord voir son meilleur ami, bon voilà, celui qui l'a viré de son club de foot. Il se venge pas de lui, mais bon voilà. Après il va chez son ex-copine qui est en train de baiser avec le nouveau mec du club de foot en fait. Donc c'est avec lui qui a le trompe et il fout de la... En fait tu le vois aller sur une crotte et aller dans leur bouffe, puis retourner sur une crotte. T'as pas mal de gros plans sur de la merde et tout. C'est visuellement assez sympa, regardez, vraiment très cool. Donc il empoisonne leur bouffe en les en vomir. Il va faire pareil avec son patron où il met de la morora dans sa bouffe et tout. Et donc là, ça va finir chez ses parents, où donc, je disais très important, ils avaient besoin de se retrouver, donc c'est une scène absolument géniale, où tu vois sa mère en train de sodomiser son père dans le salon, très sympa, à coup de gode ceinture et à coup de « je vais te faire manger ton caca », tout ça. Donc on est dans le film... On est dans le film poétique, j'ai envie de dire. Julien, ça te parle. On est dans le film à montrer lors d'un premier encart. Chose que j'ai probablement fait. C'est ce que t'aimes bien faire avec ce détective. Pour mettre toutes ses chances de son côté. Et donc ouais bon ça finit où tu vois le son boss en train de crever dans le sang, son ex copine en train de vomir et lui qui est à poil redevient lui mais à poil, donc du coup se réveille à poil dans le salon de ses parents. Fin du premier moyen métrage, j'espère que ça vous donne envie d'en apprendre plus segment, pour la suite. Donc cool. Il y en a encore deux autres, accrochez-vous parce que c'était le premier. Celui-là et je sais pas si c'est le plus fou, c'est pas le plus fou mais presque. Alors le deuxième, bon, je vais pas m'attarder trop sur le deuxième parce que c'est celui que j'aime le moins des trois. Il est pas fou, il est juste énervant. Ça s'appelle La Bonne Poire en français. C'est l'histoire de Donc c'est en flashback, tu t'es dans un, bon, c'est très anglais, hein, t'es encore dans un pub où t'as un mec qui s'appelle Johnny qui joue au billard et t'as une nana qui vient la voir qui s'appelle Catriona, on le sait parce qu'ils disent leur prénom et qui essaie de le récupérer. Là ça part en flashback, tu vois leur mariage, ils étaient ensemble, ils ont fait un gosse, blablabla. Je vais aller assez vite sur celui-là parce qu'il est assez lourd. Et en gros c'est l'histoire d'un mec, donc de Johnny. Donc, comme je l'ai dit, qui, bon, en gros, un mec qui est trop gentil, qui sait pas se défendre, et qui a épousé une meuf, mais horrible, mais genre, horrible, donc, lui, il reste à la maison, elle bosse pas, il bosse, et quand il est à la maison, c'est lui qui s'occupe de la gamine, et pendant qu'elle, elle sort, et elle se tape des mecs, et tout ça, c'est horrible, et jusqu'au jour où t'as un nouveau voisin au-dessus, ce film est horrible pour avoir les nerfs, qui emménage au-dessus et qui, en gros, qui lui chope sa nana, quoi. Elle va vivre chez le mec au-dessus, donc tous les jours, elle les entend baiser et compagnie, ils mettent, ils percent le plancher pour récupérer, ils percent le plancher, ils font passer genre une rallonge électrique pour lui pomper son électricité aussi, tu vois, genre le mec, enfin, c'est juste qu'il... C'est tellement fou, c'est pour ça. Mais en fait c'est parce que tous les trucs, enfin, genre le mec il réagit pas, en fait t'as cité au mec, c'est peut-être ça, ouais, la folie de ce film en fait. Mais en fait c'est assez dérangeant, t'as trop de peine pour le mec, en même temps t'es trop énervé de dire mais mec pourquoi tu te fais marcher dessus comme ça pendant tout le film. Et ça, en fait c'est assez trash dans les dialogues, dans ce que tu vois et dans les scènes, et puis jusqu'à bon il va se faire tabasser aussi. Et puis ça finit, je fais court parce qu'il est bon, c'est pas le plus intéressant. Ça finit par donc ça, on revient au début où il est dans le bar, où donc après avoir vécu tout ça, c'est Anna qui l'a trompé, donc le mec tout ça, qui est tombé enceinte du voisin, qui s'est fait larguer par le voisin, et donc là on arrive au début où elle lui demande de le récupérer et il dit oui. Et enfin du moyen métrage était là, c'était là, t'es trop énervé après ce film, t'es là mais mec t'es trop une pauvre merde, franchement casse-toi. Parce que j'ai fait court, ce qui est pas intéressant, je voulais arriver au dernier, donc il s'appelle, il me semble, je crois que c'est plus ou moins le titre éponyme du film, je crois, parce que j'ai pas vu de titre. Donc bref, alors là, c'est l'histoire, celui-là, il est cool. Celui-là, je voulais parler, il y a le guest de Evan Brenner, qui joue Spud dans Trainspotting. Vous vous souvenez, Trainspotting? Oui. Vous avez vu Trainspotting? Pas vu. C'est celui qui est un peu, qui est le plus junkie de tous et qui est un peu, qu'on a revu, qu'on revoit dans le 2 aussi, qui écrit le livre, du coup, et qui fait une mise en abîme en écrivant le bouquin, celui qui est un peu, qui est chaud, tout ça. Et donc c'est lui qui tient le rôle principal, donc il s'appelle Coco Bryce. Et Coco Bryce. Rigole pas, Colin Bryce. Et c'est un hooligan, qui est un hooligan et qui est tougher. Voilà, en gros ça résume bien, donc il passe son temps à se bastonner au match de foot et à aller en rêve et à prendre du LSD. Et donc il y a une nana qui veut se marier, blablabla, bla, bla, et lui il veut pas, il fait sa vie de tougher. Donc tu suis lui au début en parallèle avec d'un autre côté un couple d'une banlieue très bourgeoise. Ça se passe en Écosse, à Glasgow, et dont la femme est enceinte. Et donc, juste arrive à une nuit où t'as ce Colin Bryce, de son vrai nom, qui est défoncé dans un parc et qui fait du tourniquet pour enfants. Il est complètement défoncé, il s'est mis sur un tourniquet tout seul. C'est celui-là, je me souviens le mieux. Ouais. Mais c'est celui-là qui est le plus cool en fait des trois, c'est pour ça que je passais plus vite sur l'autre. Et En même temps, en parallèle, dans une rue à côté, t'as le couple bourgeois qui est dans une ambulance parce que la femme est en train d'accoucher, en fait, dans l'ambulance, genre c'est une extrémiste, quoi. Et ça bat la foudre, en fait, à la fois et sur l'ambulance et sur le tourniquet, le foot qui se rejoint, et donc là, c'est une espèce de séquence complètement folle, en fait, très très cut. Ce film est hyper intéressant au niveau du montage et du travail du son, c'est très très très cool. C'est une des séquences les plus... Je crois que je préfère, ça m'a fait énormément plaisir de revoir. C'est assez barré, en fait, tu revois l'enfance de ce personnage de Colin Brice, une version assez folle, où bon, tu vois qu'il était tabassé par son papa, machin, que tu vois ses premiers matchs de foot, tu vois sa première rencontre avec sa nana, qui est un peu son seul truc un peu positif dans sa vie, tout ça. Jusqu'à arriver à une scène où il est à poil et il se fait asperger d'eau, et tout en parallèle, tu vois le couple qui accouche, et là, donc, transfusion des personnalités où son esprit va dans le corps du nouveau-né et l'esprit du bébé va dans son corps à lui. Et ça, c'est assez cool, en fait, parce que cette séquence est vraiment à voir, vraiment, vraiment chouette au niveau du montage. Et donc, la suite du film est un peu dur à regarder parce qu'ils ont fait une espèce de faux bébé qui est très très moche, qui ressemble plus à un Chucky, en sûrement beaucoup plus mal fait. Alors t'as un peu du mal à rester en film à cause de ça, parce que du coup ils auraient dû juste filmer un bébé et mettre des pensées, l'entendre parler dans sa tête, ça aurait été plus crédible qu'essayer de faire une marionnette qui parle, parce qu'ils avaient clairement pas le budget pour ça. On dirait un peu le bébé de Mandette, des fois. c'est très très laid. C'est très très laid, donc ça te sort du film, c'est un peu dommage. Mais du coup, t'as sa personnalité à lui qui se souvient... Il se souvient pas de ce qui s'est passé, en fait. Il se souvient qu'il est lui, il se souvient pas forcément de sa vie, mais il se souvient de qui il est, qui s'appelle Colin Brice, machin. Et donc, tu suis surtout lui qui est donc dans le corps du bébé, qui amène des scènes assez cocasses où il regarde ses nouveaux parents, où il se paluche en voyant ses nouveaux parents baiser, par exemple, tu vois. Et des trucs comme ça, en fait, et c'est assez trash, où il se bourre la gueule, en fait, où il chope une bouteille d'alcool qui tombe pas loin de son berceau, il se bourre la gueule, tout ça. Enfin, c'est assez barré, c'est assez comique, hein, c'est vraiment fait de façon drôle. Et il parle, en fait. Et il révèle à sa mère qu'il parle, en fait. Et en parallèle, tu vois donc son vrai corps avec son peu moins intéressant, lui dans son vrai corps, le bébé dans son vrai corps qui est pris en charge d'abord à l'hôpital, puis par sa copine qui essaie de le remettre dans le droit chemin, loin de ses amis hooligans, tout ça. Et c'est dommage, c'est sûrement un court métrage, enfin moyen en l'occurrence, qui aurait pu être peut-être un peu trop long, limite, ils auraient dû faire tout un film de ça, parce que l'idée est rigolote, et ça finit assez vite, où ils ramènent une fois n'est pas coutume dans un pub, c'est quand même un film très anglais, ça va toujours dans des pubs, et où ils rencontrent son vrai lui, et du coup, ils se remettent en se touchant, ils se rejoignent, chacun rejoint son corps. Et celui-là est très très cool. Voilà, j'espère que c'était clair. Il y a beaucoup à dire en très très peu de temps. En fait, il y a beaucoup à dire en très peu de temps et c'est pas facile. Très peu de temps. Bon, je les ai revus hier. J'ai du mal à les revoir parce que je les ai trop vus. En fait, à l'époque, ça m'avait vraiment fasciné quand j'étais ado. Je trouvais ça super cool, en fait, que comme idée. Surtout le premier et le troisième sont vraiment, c'est vraiment barré, quoi. C'est vraiment super cool. Je connais pas le budget, mais c'est pas super bien joué. Faut essayer de rester dans l'idée, quoi, du film et moins t'attacher aux qualités, hein. Surtout dans le premier, le jeu d'acteur est absolument épouvantable. Tu peux pas faire plus surjouer, mal joué, quoi. Et, en plus, t'as l'accent, c'est écossais, t'as des accents, c'est assez difficile à regarder, même à revoir, quand même, quand t'as pour un film que t'as aimé, mais ça vaut le coup, malgré tout. C'est un film que j'avais bien aimé. De taper sur la table. Et voilà, ça m'a donné envie de lire le bouquin, surtout parce que c'est tiré d'un bouquin d'une vingtaine de nouvelles. Une vingtaine de pages. D'une vingtaine de nouvelles. Je me dis que ça doit être sympa. Je me dis, j'aimerais bien savoir de quoi parlent les autres, en fait, parce que ces trois-là, et surtout ces deux que j'aime bien, c'est quand même assez cool. Enfin, l'idée est là, quoi. Je pense que ça pourrait être mieux adapté, en fait, et avec quelqu'un un peu plus talentueux, parce que Paul McGuigan, mais c'est pas quelqu'un qui a forcément brillé. C'est quelqu'un qui a, je faisais du Slevin avec, je crois, Josh Hartnett. Oui, de ça, je l'ai vu, Slevin. C'était pas si mal. C'est pas mal, mais c'est pas génial. C'est pas ouf. Il a fait Dr. Frankenstein avec Harry Potter. C'est pas, c'est un film, j'ai vu l'affiche, mais je crois que je suis allé au cinéma, mais je m'en souviens pas du tout. Rien que l'affiche, elle sentait la merde. Voilà, tu vois, c'est bon, c'est pas un grand réalisateur, machin. Mais il a eu plus de budget pour les deux suivants, quand même, parce qu'à mon avis, Slevin est un truc avec Bruce Willis. Ouais, c'est son tout premier film, hein, après, pour son, sa défense. Mais je pense que ça mériterait d'être. Il y avait de l'idée, moi ça m'a fait triber quoi. Et je trouve, dans le premier, l'idée de duo qui vient t'aborder dans un bar, te dire que t'es une grosse merde à son image, Il dit, moi je suis immortel, je peux pas me punir, je me déteste, duo est un dépressif, je me déteste, je peux pas me punir, je suis intouchable, alors c'est toi qui vas t'en prendre plein la gueule, mon vieux. Je trouve ça cool, hein, je trouve l'idée super cool. Hein. Vraiment, vraiment chouette quoi. Et puis l'idée, bon, ça a déjà été fait, les transfusions de corps, d'esprit, ça a été plein de fois, mais bon, là, c'est du fait du personnage, que ce soit ce personnage-là, c'est plutôt un film, moi j'ai déjà vu des films, genre des téléfilms, genre c'est la mère de 40 ans qui se retrouve dans le corps d'un gamin de 15 ans. Freaky Friday, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Truc comme ça, ça a été adapté en plein de téléfilms, c'est vu, revu, c'est chiant, on s'en. Mais là, que ce soit un hooligan, que ce soit dans le corps d'un bébé, bourré, tout ça, je trouve, c'est trash, hein, mais c'est marrant, quoi. Je me dis au moins, bon, et l'audace, quoi. Ça vaut le coup même pour ça, quoi. Après, est-ce que je le conseillerais? Oui, je le conseillerais pour rigoler, quoi. Sans se prendre la tête. Moi, ça m'a fait rigoler quand j'avais 20 ans. Je le découvrirais là, maintenant, je suis pas sûr. Je suis pas convaincu, parce que il est quand même qualité, il est moche, quoi. Il est mal joué, quoi. Il est moche. C'est anglais. Mais, c'est anglais, ça passe. Ouais, c'est ça, on va dire, ça passe. mais il y a quelques, voilà, que j'ai dit, il y a quelques bonnes qualités techniques de montage et de travail du son, surtout sur le dernier qui vaut la peine pour ça. Pourquoi pas? Ouais, c'est un pourquoi pas. Mais ça rentre bien dans cette thématique de film fou. Est-ce que tu t'en souviens, Olivier? Du coup, ouais, Est-ce que tu avais quelque chose à en dire, Non, pas grand chose. Enfin, moi, je m'étais bien marré aussi quand j'avais vu avec toi, là. Je trouvais ça assez fun. Mais pareil, je le reverrais pas forcément, quoi. C'était un peu moche, un peu lourdingue. C'est ça. Mais voilà, quoi. Mais les idées sont rigolotes. Ouais, les idées, la première fois, tu te tournes la gueule, ils vont pas oser. Bah si, ils osent. C'est un film où ils osent, voilà, en fait. Oui. T'as quelques qualités quand même par-ci et par-là, c'est à voir une fois pour rigoler avec des copains, je pense que c'est un film qui vaut le coup. À l'époque, ça se trouvait à 1€ en DVD, c'est comme ça que j'ai découvert ce film pour l'anecdote. À l'époque où on n'avait pas de streaming, de machin, j'achetais des DVD en paquet au tout début de ce site, je suis tombé sur des films improbables comme celui-là, ça fait plaisir, ça fait partie de... du début de ma culture cinématographique. c'est intéressant, tu vois, de te dire, comment ça t'intéresse au cinéma. Il y a plein de films que tu regardais des films en masse, comme là où j'ai plus le temps dans ma vie de faire ça, et je m'abordais plein de trucs, et celui-là, on a fait partie à un moment, quoi. Et oui, il y a un aspect, sentimental. Sentimental trash, hein. Je me dis, j'en regardais quand même des films, je suis pas sûr que, sinon j'aurais des enfants, je suis pas sûr de leur, qui laissait regarder des films comme ça. Pas tout de suite, quoi. Attends un petit peu après, quoi. Ouais, voilà, quoi. Genre, j'en montre. Au moment, tu pourrais faire des jacques en même temps, leur mère. Ouais, voilà, leur mère, ouais. Mais trop tard, elle aurait découvert avant, parce que c'est son petit truc de rancard, rap, les films bizarres. Ouais, je vois. C'est vrai, contre ça, les films de pédophiles, putain. Mauvais plan pour les rancards, les films de pédophiles. C'est pas évident, les premiers rancards avec Raphaël. Par contre, quand ça passe, c'est bon. Ah oui, là, si ça passe. Si ça passe, après, tu peux. C'est qu'on va tout faire, quoi. Tout sera permis, quoi. T'as tenté déjà le film de cannibale Non, j'ai pas tenté, mais moi-même, j'aime pas trop, tu vois. Ah merde. C'est-à-dire que si la nana, elle est aveugle, sourde et muette, ça peut passer, quoi. Bah, si elle est aveugle, sourde et muette, c'est vrai qu'elle peut être intéressée par Raph. Quel bâtard. Ah putain. C'est quel crevard. C'est toujours la bonne ambiance, hein. Ça. Ouais, oh, ouais, bon. Ça fait toujours plaisir. Ouais, vivement les vacances, hein. Ouais. On passe à autre chose, hein. Hear me. you imagine me. I want to be work with you. You are no going out like a right. Go away a bit. One lump or two. This is incredible. Top Gadget. Je suis sérieux, quoi. Sérieux, mais cool. Je vais passer chez Karim Debbache. Bon, ben voilà. Bah, merci, hein. C'est un plaisir. Merci, hein. Rap. Hein. Salut. On te retient pas, salut. Tiens-moi, parce que là, je tout donne, quoi. Bon, écoutez, vos films de merde. T'as fini de découvrir ça, écoutez. Franchement, petit gaza, écoutez vos films de merde, tu sais. Non, mais en plus, il a son vinyle de Dick Rivers à l'écouter, là. Ah, ouais. Mon film fou, c'est devenu chez les ch'tis, à un moment, il est sur un vélo dans les rues, à sa gueule. J'ai trop, et tout, ça va, quoi. Donc, ouais, c'est un peu hypertension, un peu qu'hypertension, il est en moto. Ouais, c'est tout ça, c'est un peu de quoi Julien va nous va parler, à belle transition, à... Ah bah ouais, tiens. Ah bah donc du coup j'ai plus le choix du coup. Non, t'as plus le choix. Je vais m'y mettre. Mais t'étais un peu dur avec hypertension. Ouais, attends, merde. Il me compare ça à du je sais pas quoi. Ouais, bah bienvenue chez Chine, en vélo il est bourré, hypertension, il est en moto, il est bourré, il est tout nu. Oh là là, n'importe quoi. Il a la bite au vent, si ça passe. La bite au vent. Bon, ah vas-y Julien. Bon, ok, bon, je suis parti sur hypertension, j'étais pas spécialement chaud là déjà, mais. T'étais sur YouPorn depuis tout à l'heure, faut avouer. C'est pas faux. Non, Pornhub maintenant. Parce que Pornhub, j'ai vu les 5416 pages déjà. X-Hamster, c'est pas mal. C'est quoi? X-Hamster, c'est mon site à moi. Ah ouais? C'est ça, mais c'est déjà. Non, mais vas-y, fais tourner si tu connais les sites. J'ai les actions, je connais bien. Fais tourner si t'as des nouveaux sites. Parce que du coup, j'ai tout le temps les mêmes vidéos finalement. Ah, bien avec Hamster dans le titre, ça promet. Vas-y, serre-moi de l'eau. Génial, parce qu'il y a pas mal d'amateurs, tu vois. Tu verras peut-être ta mère, je sais pas. Oh là là. Oh merde! Je vais mettre en arrêt maladie à cause de ce coup. Burn out! Oh merde! Burn out, c'est pas la première! Bah, comme ça, on va faire une transition sur la burn out, hein, parce que dans l'hypertension, il y a un peu de. Bon, vas-y, on voit hypertension. Bon, allez, vas-y, hein. On sert. Bon, ouais, hypertension. Ouais, mets des petits sous. Parce qu'après, ça fait du bruit et tout. Ouais, c'est chiant. Bon, bah, enchaîne, oui, bah, ça va, laisse-moi parler. Putain, on peut même pas discuter avec ce mec. T'as vu comment il est, le mec? Putain, on traverse l'île de France, le mec, pour se faire engueuler derrière. Putain, avec des RER, avec des pauvres et tout. C'est ça. Parce qu'on tourne un non-terre. Hein. Non, mais tu sais que tout à l'heure, le mec, il est arrivé dans le RER, tu vois. Le mec, il commence à faire la main, il dit oui, j'ai 4 enfants, on est dehors et tout. Puis il commence à énumérer, tu sais, les prénoms de ses enfants. Et le mec, il énumère 5 prénoms, quoi. Je dis, bah merde, il y en a 4 ou 5 avant. Putain, il en a oublié dans la rue, ce quoi. Merde, il est où le 5e? Oh merde. T'avais envie de lui dire et tout, c'est 4 ou 5, là, parce que. Un prix de gros. Ouais, un prix de. Bon, bref. Bon, c'est bon, on a fini du. Allons-y. Bon, ça, putain, j'arrive pas, là. Ah, il faut que je parte, là. Oh, c'est fait dur, comme là. Une coche. Ah non, mais ça, c'est l'écriture de médecin, tu peux pas. Ah, pardon. Bon, allez, vas-y, Yanky. Ok, bon, hypertension. Putain, c'est chaud, là. Film de Mark Neveldine et Brian Taylor, avec le fameux Jason Statham. Alors, c'est un scénario très simple, hein, très basique, à la Speed, mais en version mec. Ouais. Du coup, il y a une petite différence entre Speed et hypertension, c'est que dans Speed, le car, il s'arrête, il explose. Et là, dans ce cas-là, si le mec, il s'arrête, il meurt. Il meurt. C'est un peu le même principe. Voilà, donc... C'est l'histoire de Chelios, donc joué par Jason Statham, qui se réveille en étant empoisonné d'une drogue chinoise. C'est une drogue chinoise empoisonnée par son rival qui s'appelle Verona. Et du coup, Jason Statham... Verona, pas Véranda. Non, t'inquiète pas. Non, ça peut être en Véranda. Tu sais, les chicanos, avec leur bon chemin. Tu vas effacer d'ailleurs, dans le deuxième, c'est furet. Hein. Ouais, dans le deuxième, c'est furet, ouais. C'est clair. Il est un peu bridé aussi. Un peu bridé. Donc en fait, tout le film, il tourne en fait autour de plein de scènes d'action où il doit en fait maintenir son taux d'adrénaline super haut pour éviter de crever, en attendant de retrouver justement son rival et le buter avant qu'il crève, en fait. Voilà, donc en fait, il y a plein d'actions, des courses-poursuites, une petite partie de jambes en l'air, une petite partie de drogue dans la gueule. Ouais, il se drogue, il se bat, course-poursuite avec les flics en moto, tout ça. Il se balade cul nu. Oui. Il se balade cul nu, ouais. Il se balade en moto. En moto, ouais. En moto. C'est vrai, rien ne l'arrête. Rien ne l'arrête. Enfin, ouais, c'est le cas de le dire. Hein. C'est... Non, rien ne l'arrête, c'est clair. C'est ouais. Voilà, la fameuse scène, justement, où il sort de l'hôpital et il court avec la Gaule. Et quand il s'arrête devant le... Putain, ouais, ça... il s'arrête devant la télé, mais qu'il le regarde avec... Putain, mec, il a l'œil de Gaule. Il a le piqué de tente, ouais. C'est clair. Et du coup, ouais, c'est vraiment un film complètement ouf, en fait. C'est juste comme un jeu vidéo, en fait. Bah, GTA, donc, un peu comme un jeu GTA, vidéo, ouais. Comme un GTA, ça m'a fait penser carrément à ça. Genre, le mec, voilà, il bouge, il tue des mecs, voire des boss, tu sais, parce qu'il se bat, mais à chaque fois, il se bat contre le chef de chaque bande, en fait. En plus, c'est un peu il y a ça. Un peu de ça, ouais. Et puis, où il doit se remettre un peu d'énergie dans la paillasse, ouais, en fait. Comme un jeu vidéo. Se mettant les mains dans le gaufrier. Ah oui. Ou une petite levrette sur la boîte aux lettres. Ah, c'est ça, ouais. Ouais, ouais, c'est complètement taré, ce film. Et du coup, à la fin, la fameuse scène de l'hélicoptère, un kilomètre du sol. Il chute. Et le mec, il chute, quoi. Et le mec, il téléphone. Il téléphone pendant sa chute, il laisse un message sur le répondeur de sa gonzesse, Eve, qui est d'ailleurs super intelligente. Oui. Hein, bon, on va dire un film blonde, super conne, en fait. Mais, voilà, c'est rigolo, finalement. Oui, c'est vrai. C'est elle qui jouait dans Effet Papillon aussi. Ah bon, peut-être, ouais. Ça change de rôle, hein. Ouais, c'est sûr. Elle le joue bien, la nuit, chien. Ouais, donc du coup, à la fin, il chute de l'hélicoptère, il se dégomme contre une voiture et rebondit. Le film s'arrête là, sur un dernier souffle, on va dire. Un clignement d'œil, plutôt. Sûr ? Un clignement d'œil. Ouais. Il cligne des yeux. Il cligne des yeux, qui fait penser, donc, du coup, à une suite. Qui arrive. Ouais, en fait, et du coup, c'est vrai que j'ai regardé le deuxième, du coup, et ça... C'est vraiment la suite, quoi. C'est vraiment le camionnette des Chinois qui arrive, qui ramasse le corps. Et là, c'est reparti, quoi. Mais alors, c'est reparti sur un autre sujet. C'est-à-dire que lui, on lui enlève le cœur, cette fois-ci, et on lui met un cœur artificiel. Et pareil, en fait, il doit, comme c'est un cœur artificiel qui dure que quelques heures, il doit rechoper le mec qui lui a volé son cœur. Pour remettre le cœur dans la paillasse. Pour remettre. C'est quoi, ouais. Ah oui, c'est n'importe quoi. Et pour que le cœur artificiel surcharge, faut qu'il se frotte. Ouais, alors, il n'y a pas que ça. Il se frotte pour avoir de l'énergie statique, de l'électricité statique. Oui. Et c'est vrai que la scène de l'hippodrome où, Il se frotte. Alors, il y a la fameuse scène de cul dans l'hippodrome, mais il y a aussi là où il se frotte contre la mamie. T'étais sur la partie frottement, toi. Oui, moi voilà. J'étais vraiment basé sur le frottement. Mais oui. Pas forcément la même scène. Moi, la scène de cul dans les. Avec. sur. Le milieu de la course de Canasson. De Canasson, c'était assez rigolo, ouais. Moi, ce qui m'a fait marrer, c'est quand il se frottait contre la vieille. Ça, c'était encore. Mais ça, c'était un truc dégueulasse, c'était bien. Puis surtout quand elle se fait interviewer après. Et qui a fait, ouais, le mec, il m'a frotté, il était monté comme dans l'acteur qui jouait le transporteur. C'est vrai. Le film et tout. Ah, ça c'était un peu couillon. Et puis cette scène, c'est quand ils sont en train de niquer sur la piste et que, tu sais, les chevaux, ils sautent par-dessus et que la fille, elle voit une immense queue du cheval, là. Elle jouit encore plus, quoi. C'était vraiment n'importe quoi, ce film. Ouais, donc c'est que ça, c'est vraiment rare, on peut un film à prendre au sérieux du tout, là. Du coup. Ah bon? Non, pas trop. Mais en fait, il faut quand même comprendre que c'est comme un jeu vidéo, hein. Si tu comprends pas le truc, ça fait vraiment film de merde. Ah oui, c'est trop con, ouais. Ah oui. Mais, si tu comprends pas les intentions des deux réalisateurs, là, d'ailleurs, c'était leur premier film, d'ailleurs. Ouais. Après, ils ont fait Ghost Rider 2. Ils ont fait aussi Gamer Ouais, non, pas Gamer, Ultimate Game. Et oui, c'est. Ouais. Gamer, c'est avec Ariel Dombal. Ouais. Oui, mais c'est Gamer en. En fait, film fou, c'est aussi film drôle. Enfin, c'est très. Ouais, ouais. Bah là, Hypertension, c'est fou dans le sens où ils osent quand même beaucoup. Quoi. Ouais, voilà. Ils osent beaucoup. Ouais. Ouais, aussi, mais ils osent quand même beaucoup. Déjà, le mec qui tombe d'hélicoptère qui se relève encore après. Bah, d'ailleurs, c'est lui qui avait fait la cascade. De l'hélicoptère ? De l'hélicoptère. Ouais, il racontait dans l'interview que ça se voyait dans ses yeux pendant le film que ça flippait quand même un peu quand même. Ah oui, tu m'étonnes, sauter d'un hélico en vol, ça peut surprendre. Ah ouais, et puis un kilomètre du sol, ouais, ça peut. Heureusement, il s'est bien réceptionné. Comment ça, c'était pas vrai, il a pas vraiment rebondi ? Ah non, il a pas rebondi, il a fait un gros plaque. Ouais. Non, voilà, c'est un peu, c'était le petit film d'ailleurs à regarder, ça dure pas longtemps, 1h20. Tu vois, 1h20, ouais. T'as les pas, deux, tu vois, c'est pas le mec, ils en font pas trop, quoi. 1h20, ça suffit. Plein de petits délires. T'as pas 10 secondes où tu t'ennuies, de toute façon. Ouais. J'ai une petite scène dans le 2, tu sais, avec le chien, là. Quand il y a deux gamins qui sont en train de s'amuser, ils ont mis un collier électrique au chien, et ils appuient sur le bouton pour faire aboyer. Tu te rappelles pas de ça? Si, je me rappelle vraiment. Et puis, mais du coup, lui, il arrive, il se le met collier, le collier. Il autour du cou, et il s'électrique lui-même. Déjà, quand il se branche la batterie de bagnole au téton. Pour se recharger. Ah ouais. Enfin, c'est complètement taré. Ouais, et puis plein de scènes comme ça. L'interrogatoire au fusil à pompe rectal. Ah putain, oui. Il enfonce le fusil à pompe à moitié du fusil à pompe dans le cul du gros, là. C'est vrai que ça, ça détend. Interrogatoire, ça détend un peu, ouais. Ouais. Non, c'était bien cool, ouais, j'ai bien aimé. Je l'avais déjà vu, une deuxième fois, c'était. Ouais, je trouvais ça quand même beaucoup plus rigolo. Peut-être la première fois, j'ai pas. Voilà. Je faisais autre chose à côté, mais là, j'ai vraiment bien. Là, t'étais attentif au film. Bah, j'ai regardé les deux déjà, donc tu vois, j'aurais pas aimé le premier forcément où tu vois ça va, ça passe. Mais non, je dis ouais, tiens, on va regarder le deuxième voir ce que ça vaut. Mais en fait, le deuxième c'est pire. Ah ouais, le deuxième c'est pire. Ouais, c'est mieux, ça dépend comment tu vois. Ouais, enfin c'est pire, c'est mieux dans le sens c'est la petite chinoise qui se fait écraser par la bagnole, qui se complètement tarée cette fille. Ouais, non mais il lâche rien. Il lâche rien, ouais. complètement fou. Et le docteur, super rigolo, voilà. Banni de l'ordre des médecins depuis tout le temps. Ah bah oui, à mon avis, oui. Trafiquant de drogue, acatin, tout ça. Enfin, bon, ils en loupent pas une là-dedans. Ils en loupent pas une. Bon voilà, si vous avez envie de regarder, regardez-le. Oui, ouais. Alors ça, c'est si t'as envie de regarder, regarde-le. Merci Julien. Voilà. C'est bien. Non, ça fait plaisir. Même toi, ça t'a fait rire. Ah ouais, franchement. Putain, ouais. Si ça, tu vois, comme quoi. Oui, c'est pas long, ça déconne. C'est énorme comme truc. Non, moi, j'ai vu que même techniquement, ils ont été assez fous sur le tournage. La scène, notamment, là où Statham est debout sur la moto moitié à poil en roulant. Ah oui. Eux, ils l'ont filmé avec un mec qui conduit la moto et un autre qui est en roller derrière avec la caméra. Ah oui. Pour ça que la scène, elle est un aspect qu'on voit pas ailleurs, quoi. Il fallait déjà faire un truc comme ça. C'est pour ça que c'était bien d'être deux réalisateurs. Ouais. Parce que tout seul, ça aurait pas été facile. Ah, ça change les pubs, hein. Ah ben oui. Je sais pas s'ils ont fait beaucoup de pubs avant, mais. Ouais, c'était un peu leur spécialité. Tu passes de ça à ça. Bah ouais, mais Hypertension, ils l'ont fait sans gros budget, avec des caméras millions, vidéo. 12 millions de dollars, hein, c'est pas énorme, hein. Bah non. Bon, c'est 12 Sharknado, hein. Tu fais le budget de Sci-Fi pour 12 ans avec ça. Hein. Ouais, ouais. Bon, on touche pas Sharknado, c'est quand même. Non, mais on revient un petit peu, parce qu'on en a parlé l'autre fois. The Follower, Sharknado, quand même. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. On peut lui manquer de respect, quoi. On manque pas plus qu'on se fasse engueuler. On en a d'autres qui l'ont vu, Hypertension, alors? Moi, je l'ai vu à la sortie, quoi. C'était sympa. Le 2 aussi? Non, le 2, non, je l'ai pas vu. J'ai vu que le 1. Moi, j'ai vu le premier, après, j'ai regardé un petit peu, j'ai vu. Oh, putain, il y en a un deuxième. Mais ouais. Il n'est pas mort. Ah. C'est vrai qu'il est très très con, ce film. Ah bah oui. Ah bah oui, ça va. Comment il est bon, ça, c'est sûr. Mais bon, original. Moi, je veux aimer. Original. On va dire. Ça passe. Oui, c'est bien. Je m'appelle Chev Chelios. Et c'est aujourd'hui que je vais mourir. Mais j'anticipe un peu. On m'a empoisonné avec une sorte de synthèse chinoise. Faut que tu m'aides, Toubib. Ils t'ont piqué au cocktail de Pékin. Ça inhibe ton adrénaline. Tu t'arrêtes, tu meurs. À partir de maintenant, j'ai une heure pour tout régler. Dire au revoir à ma petite amie. Soigner ma sortie. Il me suffit de rester en vie assez longtemps pour y arriver. Envoie-tu ! Dégagez ! Où est Verona ? Je sais pas où il est ! T'as l'air stressé à mort ! Qu'est-ce qui se passe ? Faut que je te parle. Je suis un tueur à gages. Si t'as prévu de me plaquer, dis-le-moi franchement. Bouge pas ! Allez, on se tire. Tu devrais être mort ! Je vais atomiser tout ton gang ! Le forcené non identifié qui a semé la panique depuis ce matin livre son dernier combat. Je m'appelle Chev Chelios. Et c'est aujourd'hui que je... Bon bah voilà. Bah voilà. On a d'autres films débiles à évacuer. Oh. À évacuer là comme ça. Alors du même style, non? Non, débile, non, on n'a pas. Bah non. Bah j'ai... Ouais bah vas-y, ouais. Milly, allez hop, on enchaîne. Donc on a vu des films fous, un peu, enfin drôles, cocasses dans les scènes. Bon, moi, cocasse, c'est bien, c'est mieux que con. Oui. Je vais vous parler de Fight Club. C'est cocasse. Voilà. C'est pas drôle, c'est pas très drôle. Oh, pittoresque, oui, pittoresque. Picaresque même, allez. Oh, allez, soyons fous. Donc, c'est un film de... Ah, tu voulais faire ta chronique? C'est un film de 1999, donc réalisé par David Fincher, donc qui est connu pour Seven, The Game, Benjamin Button et Social Network. Social. Non, Zodiac. Il souffle pas assez fort, grave. La filmographie. Donc on a. Et Panic Room. Oui aussi, Panic Room, c'est vrai. Ah oui, Gone Girl, c'est vrai, Gone Girl. Le cas d'Orphan Girl, c'est vrai. En même temps, il en a pas fait beaucoup, alors ça va. Oui. Et en fait, ce film, normalement, il devait être réalisé par, enfin, il y avait trois réalisateurs qui étaient préposés pour faire ce film. Donc, en premier, on avait Peter Jackson. Oh putain. Ouais. Et en fait, il a préféré se consacrer au Seigneur des Anneaux. Ouais, bien fait. Voilà. Moi, je pense pas. On a eu Brian Singer. Oui, bah après lui, il a dû aller sur X-Men. Il a dû aller sur X-Men, du coup, Singer. Oh, on a chopé belle, alors. Et on avait Danny Boyle aussi. Ah, putain, j'ai vu que t'allais me dire Danny Boone. Mon frère. Danny Boyle qui a préféré faire la plage. Ah, lui, il a mieux fait de se casser une patte. Voilà, c'est ce que je pensais. Bien que j'ai aimé la plage, mais bon, à côté de Fight Club... The Beach, non, c'est pas le même. C'est pas le même film. Range-le-corps. Donc, en acteur, on a Edward Norton, Brad Pitt et Helena Bonham Carter. Voilà. Madame Burton, ça. Madame Burton, exactement. L'ex-Madame Burton. Ah, ex-Madame Burton. Ouais, il a changé. Ah, oui, ça pouvait pas durer, bah, rien. Normal. Bah, elle est moche, quand même. Moi, oui, il n'est pas très beau non plus, mais elle est bien, mais ça, je trouve. Elle est remarque. Hyper... Non, elle est pas moche. Elle est photogénique, mais pour le cinéma. Cinégénique. Cinégénique, voilà. Télégénique, non? Non, c'est pour la télé, du coup. Ouais, elle passe bien à l'écran. Ouais. Voilà, je trouve qu'elle est... Ah, tu reconnais sa gueule, mais Dominique Pinon aussi, tu reconnais sa gueule. Elle a une présence, quoi. Ouais, mais je dirais pas qu'il est moche non plus, Dominique Pinon, tu vois. Je suis parti de cette gueule d'acteur, comme on disait avant, tu vois. Ouais, ouais, on a complètement changé de sujet, là, mais vraiment, je veux dire qu'il est... J'ai pas cher à faire ma chronique dans l'autre sens, voilà. Non, mais c'est justement, c'est pas une beauté. Oui, c'est une gueule, ouais. C'est une gueule, quoi, tu vois. Ouais, non, mais c'est pareil, tu la reconnais, quoi. Ah oui, ouais, c'est la caractéristique. Dans le film, elle est pas avantagée du tout. Ah non, non, c'est clair, ça va. Bah, j'ai jamais vu avantagée dans aucun film, au final. Non, j'avoue. Elle a reine de cœur, franchement. En même temps, elle a pas le visage pour être une pin-up, tu vois. Composition, quoi, le rôle de composition, ouais. Elle est complètement... Mais un visage dur, on peut pas, ouais. Pas jouer les mignons, les bimbo... Je t'ai entendu, toi. Elle joue pas dans Harry Potter. Oui, elle joue dans Harry Potter. Si, si, elle joue... Oui, elle est très bien dans ce film. Ça lui va super bien, ce personnage. Oui, bah tu m'étonnes. Et alors, à la place de Brad Pitt, c'était Russell Crowe qui était préposé aussi pour le... Ce film a failli être incroyable. C'était Russell Crowe... C'était période Gladiator, du coup. Ouais, c'était période Gladiator. Ouais. Il a bien fait de faire aussi Gladiator. Mais... Oui, oui, oui. Bah, ça aurait pas eu la même vision, parce qu'il est quand même... c'est un colosse, quoi, Russell Crowe, à l'époque. Non, c'est pas vrai. Bryan Singer, Russell Crowe... Putain, Qu'est-ce que c'est en Russell Crowe, c'est pas un mauvais acteur en soi. Mais... Et alors attends, et en narrateur, donc à la place d'Edward Norton, c'était Matt Damon. Matt Damon. Ou Sean Penn. Oh non, Sean Penn, ça devrait pas. Oh, Sean Penn, il trop sérieux. Trop sérieux, quoi. Eh, il y a deux qui sont dans Team America quand même, hein. Oui. Donc en fait, donc le résumé de l'histoire, bah, c'est le narrateur Edward Norton. Ikea Boy. Voilà. Qui a une petite vie sans événements, il est un peu tristoun, il a un petit job. Dans une start-up. Ouais. Ah si, c'est une start-up. C'est trop start-up, ça. Start-up, open space. Il pourrait faire de la trottinette électrique. Le petit boulot de merde, enfin voilà, il est un peu tristoun. Ouais. Et en fait, il va décider de faire partie d'un groupe qui s'appelle le Fight Club, qui est un lieu clandestin où l'on retrouve sa virilité, on communique, on se bastonne, on se... Ouais, ça communique pas des caisses, hein. Non, mais on se... voilà, c'est vraiment bonhomme, quoi. C'est, voilà, vraiment... c'est très masculin. C'est vrai. Voilà, et c'est dirigé par Tyler Durden, Brad Pitt. Donc en fait, pourquoi je l'ai pris en film fou, parce que c'est l'histoire est folle déjà dans la façon de filmer. La façon de filmer, c'est déjà dans le générique, on est dans un cerveau, on voit les neurones, on ressort par un port, enfin un poil de cheveux, enfin, un cheveu. Et déjà rien que là, on est un peu dans l'ambiance. Et en fait, donc tout le long, donc au début, on va voir Tyler Durden avec des espèces d'images subliminales. On va le voir dans les 12 premières minutes du film, on va le voir 4 fois apparaître un peu comme un hologramme. Et en fait, le film commence, on a Edward Norton qui est dans un immeuble avec un flingue dans la bouche, voilà. Et en fait, il va se parler à lui-même et on va voir à ce moment-là Brad Pitt. Mais en fait, voilà, ça s'arrête là et après on retourne en arrière et on a le flashback de l'histoire. Et donc tout le long du film, on se dit mais finalement, est-ce que le personnage de Brad Pitt est vraiment présent? Est-ce que c'est pas le moi intérieur? Est-ce que c'est voilà, c'est une forme de schizophrénie? C'est le mec qui veut un peu se lancer. Un défi de changer un peu sa vie de merde. C'est tout un club avec des recrutements de personnes qui veulent faire partie de l'élite pour être quelqu'un, quoi, pour être une personnalité, pour être fort, pour être un homme. Voilà, exactement. Bon, après, c'est des petites anecdotes. Par exemple, ils ont pris le directeur de la photographie, Jeff Cronenweth, qui avait travaillé notamment sur Seven et The Game. Donc là, on a vraiment... Il connaissait déjà. Voilà, on a un aspect... Enfin, vraiment, l'esthétique du film est superbe. On a des contrastes, on a des ambiances un peu... Décrépit. Voilà, décrépit, très désaturé, justement. Même le sang, quoi, c'est pas rouge. Ouais, il est très noir, ouais. C'est très noir, c'est vraiment, il fait souvent nuit. Sombre. Il fait tout le temps nuit dans Fight Club. C'est très Fincher, ça. C'est tout. Ouais. Lumière très sombre. Exactement. On joue avec la lumière des réverbères. Il y a beaucoup de teintes de verre, de trucs comme ça. C'est assez maladif, au final, comme visuel. Donc, là-dessus, ça, c'est réussi. Et par exemple, la production avait dit au réalisateur, si le film vaut le coup, vous aurez votre générique en 3D. Parce qu'en fait, il savait pas, il pariait vraiment, parce que c'était un truc assez... Il y a 63 millions d'euros, dollars d'investissement pour plus de 100 millions de recettes, quoi. Ouais. Et il lui avait dit, si le film marche pas, vous aurez un générique fond noir, quoi. Donc, du coup, on a eu un résultat. Et le générique 3D, c'était franchement pas la réussite du film. Non, mais... Quand on l'a revu l'autre jour, la musique, elle est bien, mais visuellement, on dirait le générique de Dr. House, quoi. Non, je trouve... Ouais, ou de Allô Maman, ici bébé aussi. Si, ça y est, tu changes de musique et tu mets une teinte un peu plus rouge, voilà. Ça fait Allô Maman, ici bébé. Non, mais bon, ça met déjà dans l'esprit qu'on va être... Dans un l'esprit. Truc un peu taré, un peu dans l'esprit... Voilà. Moi, ce que j'ai trouvé drôle, c'est qu'on est dans un milieu hyper bonhomme et ils font des savons. Enfin, Tyler Durden fait des savons roses. Donc, c'est aussi. Couleur naturelle. Couleur naturelle, mais du coup, c'est un peu ce décalage parce qu'on aurait pu faire des savons de tout autre couleur. Et du coup, le fait que ce soit rose, ça apporte un peu de sensibilité dans ce monde de brut, on va dire. Enfin, la sensibilité, c'est de savoir d'où vient la graisse pour prendre le savon. C'est oui. Vrai. Mmh. Moi, je... Les cliniques de liposuction. Ouais. Ouais. Ou des camps. Non, non, les camps, c'était avant, je veux dire. Et justement, quand à un moment donné, Tyler Norman, il donne... Là, on va prendre cher. Il donne la recette bah oui, là. De la nitroglycérine. Et non, tu n'as pas le... Et en fait, il dit pas... En fait, au montage, ils ont enlevé des ingrédients parce qu'ils sont mis, on ne veut pas non plus donner... s'il y a des tarés qui regardent aussi. On va se prendre des procès dans la gueule. On va se prendre des procès dans la gueule, ils vont faire de la dynamite, ça va pas le faire. Voilà, et oui, on a, à un moment donné, on a Edward Norton, donc il va dans plein de groupes anonymes, enfin voilà, il essaie de se faire, enfin voilà, de participer, donc il est dans le truc des cancers de testicules. Ils sont couilles anonymes. Oui, voilà. C'est ça, ouais. Ils en fait plein pour trouver une présence un peu. C'est ça. Ouais, pour se réconforter. C'est ouais, ça qu'il a rencontré Marla. Alors qu'il n'est pas du tout malade et tout. Enfin, je me souviens. Il essaie de donner un sens à sa vie. Et à un moment donné, il se donne le nom de Cornelius, et ça, c'est un des noms qui est donné dans La planète des singes de 68, Zira et Cornelius. Donc, c'est le petit clin d'œil. À Tim Burton, tu vas réaliser en 99. Peut-être. On va pas le dire. Qui l'a vu? Ouais, on l'a vu, ouais. C'est le film qu'on se passait. Ouais. Au lycée, quoi, c'était le DVD qui tournait tout le temps. Quoi. Ah, nous c'était Jack Frost. Jack Frost, le mec, il est revenu dessus, t'as vu, ça fait 6 mois qu'il est sorti. Ouais, sans déconner. Sauf que Fight Club est devenu. Tu vois, la prochaine fois, tu verras mes potes du lycée, tu lui demanderas. Au cinéma, qui s'est fait. Je suppose que Non, mais tu pouvais pas le mettre à la fin. L'emmerder. Plutôt que d'interrompre, putain. C'était pour le couper avec son Jack Frost. Je lui dis, quand il me sort le Jack Frost, je lui mets. Voilà, c'est fait. Voilà. Ça fait plaisir. Mais garde-le pour la fin. Tu nous le murmureras dans le micro à la fin. Ce film est devenu culte, vraiment. Très vite. Il est assez long, hein. Il fait plus de 2h30. Non, il fait 2h20, je crois. 2h20. Mais voilà, c'est dans le rythme, enfin on s'ennuie pas une seconde, il y a vraiment on l'a ambiance. Juste regardé en deux fois, mais ça va sinon. Oui, c'est vrai. Mais on est vraiment dans une ambiance, il est hyper réussi, il se passe plein de choses, complètement déjanté, quoi, parce qu'à un moment donné, quand il sort avec Marla, il la voit dans une grande maison qu'il habite, qui a été abandonnée, enfin une très grande maison. Un squat, quoi. Voilà, une espèce de squat, alors qu'il vivait dans un appart, bien meublé, bien confort, etc. Et il se souvient, enfin, elle lui dit, mais on a couché ensemble, et lui, il lui dit, mais je suis désolée, je m'en souviens pas. Et là, on a Tyler Durden qui arrive, le mec cool, avec sa robe de chambre. Enfin, voilà, on a vraiment c'est hyper bien fait, parce que on a vraiment l'impression qu'il est là, alors c'est... C'est un film à voir deux fois, quoi. Une deuxième fois du suite. Exactement. Quand t'as eu le twist de fin, faut le revoir tout de suite. Sérieux. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de le voir deux fois, parce que à la fin du film, quand on l'a vu une première fois, on se dit, c'est vrai que dans le film, il n'y a personne qui a eu une interaction avec... Non, puis à chaque fois que Marla Tyler. Est là, en fait, Tyler est plus là, ainsi de suite. Et par contre, enfin, si, il y a quand même eu une interaction, mais justement, c'est quand Marla couchait avec Taylor, et je me suis dit, mais. Enfin, il y a un truc qui va pas, quoi. Ouais. Non, mais du coup, à ce moment-là, c'est lui, Edward Norton, qui dormait, entre guillemets. Bah non. Bah si. C'est son lui qui était absent. Ouais. Bah, il y a un corps et deux personnalités. À un moment donné, t'as une personnalité qui dort et l'autre qui est là, tu vois. Mais non, parce qu'à un moment, ils se croient. Non, à un moment donné, ils sont... Mais quand le mec, il sort de la chambre avec son grand mec, tout jaune, la ville, tu vas finir. Eh oui, mais elle lui demande à qui tu parles. Elle voit personne, elle, alors qu'ils sont deux. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est pas logique. C'est un peu limite, on va dire. C'est troublant. Mais c'est quand tu regardes le film et que tu le sais, tu dis, ah, tout s'explique. Non, mais même sans le savoir. Oui, même sans le savoir, tu commences à te dire... Il y a quand même un contact, c'est bizarre. Quand tu vois les vidéos où il se tabasse tout seul, tu dis bon, ok, là. Ouais, quand il est avec son boss. Ça m'a rappelé mon premier combat, bah oui, tu m'étonnes. Non, il est vraiment. Puis le personnage de Bob aussi. Voilà. Enfin... C'est un personnage touchant, du coup. Je suis Bob. Non, je suis Bob. Mais là, ils sont vraiment cons. C'était repris en South Park, ça, et tout, dans plein de parodies. Je suis Bob. Ça a été repris aussi après, je suis Charlie. Voilà, c'est un truc. C'est pas la même chose, ça. Non, mais. Enfin voilà, il y a vraiment on s'attache aussi à être quelqu'un, quoi. Ouais. Voilà. Non, mais de faire de quelqu'un une entité ou un symbole. Dans la mort, on retrouve notre nom, ouais. C'est ça quand il dit je suis. C'est très philosophique, ouais, en fait. Vous l'avez pas vu cet épisode de South Park qui finit comme ça? Non. Vous aimez pas, moi, là-dedans? Bah, si, moi, j'aime bien South Park, hein, mais je le regarde pas, mais aussi. Je serais dû pour ça, je suis moi, j'y joue, ouais, c'est non, mais ce que je trouve marrant, surtout de Fight Club, c'est que c'est quand même un film sur l'anarchie, sur le désordre, sur tout ça, qui est réalisé par un gros maniaque de la maîtrise. Mmh. Le mec, il va faire 300 fois le même plan et tout ça, et il te fait un film sur l'anarchie. C'est un miracle que ça tienne debout. C'est pas adapté d'un... Si, c'est adapté d'un... Chuck Palahniuk, je crois. C'est ça. Je voudrais pas le froisser si j'ai mal prononcé son nom, il nous écoute, mais... Mais je croyais une suite aussi. Et ça se terminait par le mec qui meurt et qui monte se battre avec Dieu. Ouais. Et ils avaient, enfin, apparemment, ils ont hésité à la tourner, puis ils ont dit, ouais, non. Abuse pas. Et c'est, pour moi, c'est, j'en ai pas vu beaucoup, mais, avec Edward Norton, mais pour moi, c'est, voilà. Edward Norton, pas fait grand chose. Au final, il aurait pu faire beaucoup plus, mais il a pas fait grand chose. Ouais, c'est pas trop pour lui, il a disparu. Sur entre ça, American History, j'ai eu un bon départ, puis d'un coup, après, il a fait Hulk. Il a pas fait, Il a fait 24 heures, je crois. 24 heures avant la nuit, ou je sais pas. C'est ça, 24 heures avant la nuit, c'était pas mal. C'était bien chiant, ouais. Ouais, c'était pas mal, je trouvais ça bien. Il a fait un autre truc, Au nom d'Anna, avec Ben Stiller. C'était sympathique, mais sans plus, quoi. Ouais, c'est bizarre. Enfin, voilà. Il a dû s'embrouiller avec les mauvaises personnes à Hollywood, hein. Probable. Ouais, ça arrive. Puis tout le long, on a une musique bien... Ouais, les musiques, elles sont cool, c'est vrai. Ça a quand même remis au bout du jour les Pixies, et fait découvrir ce groupe à toute Une génération. Toutes les musiques des Dust, c'est Dust Brothers, je crois, toutes les autres musiques un peu électro, le générique, tout ça, c'est pas mal aussi. Non, mais toute la bande son est cool, mais quand même, ça a relancé, j'avais pas que ça a relancé les Pixies, mais ça a remis au bout du jour ce groupe. Ouais, ouais, quand même, parce que la scène, elle est exceptionnelle. Non, ce film est... Il y a Jared Leto qui se faut défoncer la gueule. Ça fait bien, c'est bien ça, aussi. Ça, ça fait pas mal. J'avais envie de passer un truc qui était beau. Ouais, ouais. Ça, j'aime beaucoup cette scène. Et même avant de tourner le film, ils ont appris à faire des savons aussi avec Brad Pitt. Ah bah ça devait être ça. Tu imagines, c'est le petit atelier savon comme tu fais en maternelle. De la lutte, enfin voilà, parce que là, il a un sac. Bon, on voit quand ils se battent, ça cogne vraiment, enfin, ça cogne vraiment, ça fait assez réaliste. Edward Norton, il fait quand même trapu, quoi. Ouais, ouais. Il s'est même remis à fumer, enfin, il a même fumé pour ce film. Dans un autre film, un an avant, il avait refusé de fumer dans le film, et là, il a accepté, quoi. Enfin, il s'est dit que dans le personnage, C'était logique. C'était logique. C'est pour ça qu'après, il a arrêté de travailler, il fumait trop. Oui, voilà. Mmh. C'est des fausses clopes. Et ta soeur, elle est fausse. C'est ça. Voilà. Bah, voilà. I want you to hit me. As hard as you can. Why? How much can you know by yourself? You've never been in a fight. Wait, let me start earlier. Like many of you, I was stuck. You want me to deprioritize my current reports until you advise of a status upgrade? Make these your primary action items. I couldn't sleep. No, you can't die from insomnia. I'd flip through catalogs and wonder what kind of dining set defines me as a person. This is your life, and it's ending 1 minute at a time. Welcome! I prayed for a different life. Soap. I make and I sell soap. And this is how I met Tyler Durden. Come on, hit me before I lose my nerve. Okay. Ow! You hit me in the ear! It was on the tip of everyone's tongue. Can I be next? We just gave it a name. Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is... Wow, nice. You do not talk about Fight Club. Is that your blood? Some of it, yeah. After Fight Club, we all started seeing things differently. You're gonna have to keep me up all night. And she ruined everything. You're not into her, are you? No, God, not at all. We've all been raised on television to believe that one day we'd all be millionaires and movie gods and rock stars. But we won't. He had a plan. To what purpose? In Tyler, we trusted. I gotta take Fight Club up a notch. Each one of you has a homework assignment. You're gonna start a fight with a total stranger. That's not necessary. And you're gonna lose. That hurt. You were looking for a way to change your life. You got it. I'm stopping this. It's already done, so shut up. What kind of sick game are you playing? Oh my god. Where is my mind? You kids. Where is my mind? Where is my mind? This is too much. In the end, you will thank me. Whoa! Whoa! If you fight anyone, who would you fight? Shatner. I'd fight William Shatner. Bon, qui reste? Ah, vas-y, hello. Alors, du coup, pour continuer dans les films avec une fin un petit peu switchée, auquel je ne s'attends pas forcément. Ouais. Ça doit me faire du pied. Moi, de mon côté, j'ai regardé L'Antre de la Folie de John Carpenter, qui date de 95. C'est l'histoire de John Trent, qui est joué par Sam Neill, et qui est enfermé dans un asile pour avoir tué quelqu'un à coups de hache alors qu'il sortait d'une librairie. Au moins tout ça. Mais la queue, il avait pas envie d'attendre. Il va raconter son histoire, enfin le personnage principal va raconter son histoire à un psychiatre qui va lui rendre visite dans le but de, je cite, sortir de l'asile. Mm. Alors du coup, là on a un flashback, on montre qu'à la base, John Trent c'est un enquêteur pour les fraudes à l'assurance, et un autre assureur va lui demander d'enquêter sur la disparition soudaine de Sutter Kane, un auteur de livres d'épouvante. Et il lui dit aussi qu'il doit absolument récupérer les pages qui vont constituer le dernier roman pour les ramener, pour pouvoir ensuite les vendre, tout simplement. Le problème, c'est que les livres de cet auteur, eh ben, ils auraient causé des troubles psychologiques chez les lecteurs dits... sensibles. Un petit peu sensibles, oui. Et comme Julien, trop sensible. Ça me perdra. Ouais, mais je pense que c'est pas le même genre de sensibilité. Ah non, non, c'est vrai. Non, toi t'es beaucoup plus taré, tu devrais pas être sorti dehors. On va le garder à l'asile. Ah bon, on le ramène tout à l'heure, hein. Ah ouais. C'était on peut même le ramener jusqu'à chez moi, hein, si tu veux, y'a pas de soucis. Alors du coup, le mec, il va essayer de retrouver l'auteur, et pour essayer de le retrouver, il va essayer de rentrer dans son univers avec une jeune femme qui s'appelle Linda, qui est... comment on dit. Une biographe. L'agent. Éditrice. Ouais. Qui est éditrice. Elle va essayer de le retrouver avec lui. Et le problème, en entrant dans son univers, du coup, il va se mettre à lire ses livres, et le problème, c'est que ça va provoquer chez lui des hallucinations. Alors qu'à la base, il pensait que tout ça, c'était un coup monté, juste pour faire une promotion et gagner de l'argent. Alors, comme par miracle, incroyable, il va se mettre à découper les couvertures des livres, et il va se rendre compte qu'en reliant certaines parties de la couverture, ça va former l'état du New Hampshire, et du coup, on va se dire que peut-être les événements dans les livres de Sutter Kane se passent dans le New Hampshire, et au final, il s'avère que ça se passe dans une ville qui s'appelle Hobbs End, qui est une ville a priori fictive. Le souci, c'est que Trent, lui, il va aller dans le New Hampshire pour essayer de retrouver les environs de la ville fictive, mais il va se rendre compte avec Linda qui est avec lui que la ville existe entre guillemets vraiment, parce qu'il va y rentrer. Et en fait, comme ça a l'air une ville normale, mais il va se passer plein de choses bizarres. Par exemple, à un moment... on va voir des enfants qui ont la peau très abîmée, qui vont passer, qui vont essayer de suivre un chien qui court sur trois pattes. Ouais. C'est un petit peu, ouais. On va voir des tableaux dont la peinture va changer à chaque fois. C'est enfin se mettre en mouvement en fait comme dans Harry Potter. Pourquoi ça parle pas, c'est toi. Bref. Et donc comme je disais, à la base, ça a un aspect normal, mais en fait, c'est étrange la vie. Et un peu plus tard, John Trent, il va retrouver l'auteur Sutter Kane dans une église. Il va le rencontrer, il va lui parler, et en fait, il va lui expliquer, bon, c'est un personnage un peu taré quand même, faut le dire, il va lui expliquer que tout ça c'était écrit, que John Trent, en fait, c'est un des personnages du roman, et qu'il va devoir suivre l'intrigue du manuscrit, et... et en fait, ça nous donne aussi l'impression que normalement, lui aussi, c'est censé être un personnage fictif. du coup, Trent a pour mission, comme je disais tout à l'heure, de ramener le manuscrit à la maison d'édition pour vendre les pages. Et le problème, c'est que en faisant ça, il va aussi favoriser la fin de l'humanité, tout simplement parce que Sutter Kane, si on veut grossir un peu l'idée, il veut absolument détruire tout ce qu'il y a autour. Il veut détruire l'humanité et il se sert un petit peu des bases de la religion pour effrayer les gens et tout ça, pour essayer de tuer tout le monde. Du coup, de manière un peu étrange, il va réussir à retourner à New York en passant par un tunnel où il est poursuivi par des monstres et d'un seul coup, il va se retrouver par terre, allongé dans la campagne. Et de cette manière-là, en marchant, il va pouvoir retourner à New York. Il va retourner chez l'assureur qui lui avait demandé de l'aide. Il va lui expliquer qu'il a ramené le manuscrit. Mais l'assureur, quand il va lui parler, il va dire que c'est pas possible ce qu'il lui dit, parce qu'en fait, le manuscrit, il l'a déjà ramené. Il va lui dire que si, il était avec Linda, qu'il a ramené le manuscrit, qu'elle a dû rester là-bas, parce que comme elle avait lu la fin du livre, elle ne pouvait pas retourner avec lui, sinon c'était risqué. Et là, il va lui expliquer aussi que c'est pas normal non plus, parce que le mec a été envoyé tout seul dans la ville. Il a été envoyé tout seul rechercher Sutter Kane. Et là, on se rend compte qu'il y a des grosses incohérences, en fait, parce que c'est comme si le mec s'était fait un monde complètement différent. En fait, c'est quelque chose de très décousu là-dedans. Très, très décousu. Comment expliquer ça? Oh le bâtard! Oh le salaud! Putain, c'est alors que tout le monde était calme, sage, et tout. Ouais, putain. Ou c'était trop. C'est en même temps, ta vie, elle est bloquée sur YouPorn, hein, c'est pour ça qu'il est sage. X quoi? X hamster. Il a revenu hamster, il est bien hamster, c'est tout. Hamster, j'ai hamster. X hipster, oui. Donc, enfin bref, le mec, il a vécu tout un tas d'aventures ultra rocambolesques et bizarres, et au final, on lui dit que tout ça, c'est pas vrai, parce que il est déjà revenu il y a plusieurs mois avec le bouquin, et il est complètement ouf. Que le bouquin est déjà sorti, que ça a fait un carton énorme. Il va y avoir un film. Le problème, c'est que, comme tout le monde ne lit pas, tout le monde ne peut pas être, entre guillemets, rendu fou par le livre. Du coup, la semaine d'après, il y a le film qui est censé sortir. Non, c'est pas. Non, elle a juste dit mmm. Je l'ai pas vu, ça m'intéresse. Il est génial. Il est génial. Ah, Jumanji, ouais. C'est génial. C'est le mec qui a suivi. On fera un Jumanji. Avec Ben Johnson. Et voilà, au final, il y a le psychiatre qu'on avait vu au début qui lui dit que clairement, il est complètement malade. Qu'il n'y a rien de normal chez lui. Et on termine le film sur John Trent qui va au cinéma pour voir L'entre de la folie. L'entre de la folie, le film. Merci. Pour aller voir la diffusion du film. Et il est tout seul dans la salle. Il est complètement seul parce que en fait tous les autres gens ont été contaminés par les crises un peu psychotiques hallucinogènes qui ont été provoquées par le film et les livres. Et là en fait il est tout seul, il regarde le film et en fait on revoit exactement tout le film depuis le début. C'est le film de John Carpenter. C'est le film mise en abîme. Yes. C'est le film dans le film. Malin. Et John Trent, au final, il commence à rire, mais d'une manière absolument hystérique. Et on comprend qu'il est complètement... Ah, il est même plus dépassé, il était... Et il est maboule plus. Ouais, il a grillé le... Il est passé de maboule à maboule plus. Voilà. Il a grillé le dernier. Parce que c'est vrai que quand il sort de sa cellule, déjà, il n'y a plus personne autour, tout est éteint, tout est détruit, on sait déjà qu'il avait raison, finalement. Voilà. Oui, parce que, bon, du coup, bah, dans le film, je ne l'ai pas dit, mais il y en a beaucoup qui se courent après avec des haches, donc... Ouais, c'est un passe-temps comme un autre. Mmh. Ouais, pourquoi pas. C'est dangereux, si tu tombes avec la hache, ça peut être dangereux, mais sinon ça va. J'en ai pas, j'ai encore un trottinette électrique. Ça serait une idée. Drôle, une joute en monocycle. En monoroue. Ouais, ça serait cool. Ça pourrait être aussi un scénario en plus petit dans la quatrième dimension. Ouais, ça serait très. C'est grave. C'est un mec tout seul, il se passe des choses. Bah, ouais, enfin, Carpenter, c'est un peu ça. Tout le monde est contre lui, personne ne le comprend. Ouais, c'est un peu ce style. Ouais, c'est comme Carpenter. Carpenter. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Dans son célibat. Carpenter, quoi. Il y a bien, ouais. Dans les... Bah, même son Master of Horror à Carpenter, la cigarette Burns, c'était exactement ça, mais dans le milieu du cinéma. C'était un peu comme la 9e porte, le mec il cherchait un film soi-disant maudit, nanana, puis quand il le trouve, ça rend tout le monde fou, quoi. D'accord. Ce film rendait tout le monde fou. C'était bien celui-là. Bah, moi, ça m'a donné envie, en tout cas, je le connais pas. Ça a l'air chouette, ça. Il est pas mal, mais. Oh, elle va même pas chasser. Mais, comment est-ce que tu peux deviner, en un seul coup, en découpant les couvertures et en reliant un petit peu les traits qu'il y a dessinés dessus. Enfin, comment tu peux avoir cette idée, en fait? De se dire, hé, super, ça fait un état américain. Ah, je pense que quand tu as toutes les couvertures sous les yeux et que tu connais un peu la géographie des États-Unis, ça peut te parler, la fois. Non, je pense qu'il est barré et qu'il a des cerveaux. Il est enquêteur, quand même. Voilà, il fuse. Oui, c'était un des meilleurs enquêteurs. En fraude fiscale. Non, enquêteur, oui, en fraude fiscale, mais enquêteur quand même, donc il a l'habitude de se fier aux détails. Enfin, moi, ça me choque pas plus que ça. Non. J'ai trouvé ça un peu facile. D'accord. Mais après, ça reste un film. Ça peut être une facilité, voilà, c'est ça, vrai. Ça reste un film. 1h30. On va te faire 1h40 peut-être. Ouais, 1h30. On va pas te faire une roche. Non, je pense 1h40. C'est bon. 1h30. Il va pas te faire une. Mais t'as pas vu la fin alors? Hein? T'as pas vu la fin? J'ai vu la fin. Où ça défile et tout là? Non, parce qu'il y a une scène post-générique où il y a Hulk qui arrive avec Iron Man. C'était pas mal. Il se nomme. Ah ta gueule! Ça c'est dans X-Amster. Les XXL. Et il existe. Et il existe. Bon, sûrement, oui. Non, ça, c'est Denver. Et un porno avec Denver, je ne veux pas le voir. Non. Ça y est, t'as sali la jeunesse de Raph. Il a envie de dinosaure, c'est trop fort. La jeunesse de Raph est salie et souillée, j'avoue. Non. Oh non, je trouve pas. Il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux. Et bah, le peu qu'il y en a, ils ont très mal vieilli. Oui, je sais pas, moi je trouve que les trucs en latex, tout ça, du coup, ça passe bien dans l'idée. Ça, oui, les trucs en latex, excuse-moi, Julien. Les latex, ça passe bien. Ah oui, on connaît tes goûts. Mais dans l'idée du film, ça passe bien. Le truc, tu l'as vu il y a quasiment plus de 20 ans. Non. Moi, je te l'ai repassé il y a pas si longtemps que ça. Il y a peu de temps, il est sur YouTube. Mais c'est pour le podcast. Oui, il est sur YouTube en français, je suis tombé dans le podcast. Parce que c'est pour faire croire qu'on a vu les films. Oui, mais il y a 20 ans. Mais je lui ai prêté, il y a pas longtemps. Les gens sont pas censés se l'avoir, on l'a vu il y a 20 ans. Crédible. Tu vois, les effets spéciaux, ils sont quand même moins moches que Los Angeles 2013, si on va par là. Ça m'a, j'ai pas vu le vieillot, c'est pas vu si bon. C'est une vieille abonnée. Non, mais arrête. Ah non, les effets spéciaux, ils sont pas pourris. T'aimes pas le latex. Je veux dire, il aime, tu vois, ça se discute pas, c'est des goûts. Les goûts et couleurs, voilà. Je veux dire, il serait plus pandex en ce moment, donc vraiment. C'est un détail. Non, moi, je trouve que ça passe bien, puis j'aime bien le côté Lovecraft, justement, qui, voilà. Ça commence vraiment dans un hôpital psychiatrique, tu sens bien que le truc, il va partir en couille, il y a des tentacules de partout, enfin, c'est bien. Entre oui. Celui-là, par exemple, j'ai rien dit, The Thing. Je t'ai vu, moi, regarder. L'univers n'est pas le même. Au début, j'aurais pensé pour The Thing, en fait, celui-là, moi, je préfère quand même. Celui-là, vraiment, plus sur la... The Thing, c'est la paranoïa, alors Plante de la folie, c'est bel et bien la folie, quoi. Mais la paranoïa fait partie de la folie. Oui. Oui. Ah. Mais bon, là, c'est que la paranoïa. Alors, Plante de la folie, c'est quand même assez global. Il est quand même parano à la fin. Même au début. C'est... Il est pas franchement schizophrène, au final. Tu peux mettre beaucoup de choses, mais... Bah, c'est de la paranoïa. Là, pour le coup, il est toujours en train de surveiller autour de lui ce qui se passe. Bah, oui, mais là, il a pas tort. Moi, je vais te dire quelque chose. En plus, regarder ce film, alors qu'en même temps, il y a une tempête dehors, c'est vraiment pas mal. Bah, nous, on a regardé J'ai rencontré le diable avec la tempête dehors, et c'est pas mal non plus. Ah oui, mais c'est vrai. Et la prochaine fois, on va se faire Sharknado avec la tempête, ça va être rigolo. Ah bah, alors ça. Immersion totale. On va ouvrir les fenêtres comme chez toi, là, pour être inondé, on va être bien. Ça, les 5. Et les 5. Tu vois, pas besoin d'aller voir un truc en 4DX. C'est vrai, une bonne tempête sur les fenêtres, c'est bon, tu veux la gueule, la flotte dans la gueule. Complètement fou. Les émeutes ont commencé quand les librairies ont été incapables de faire face à la masse de commandes pour le roman de Sutter Kane, L'Antre de la Folie. Kane a disparu il y a 2 mois sans laisser la moindre trace. Ce type qui écrit ses horreurs bon marché. Vous pouvez faire une croix sur Stephen King. Kane se vend beaucoup mieux. Je dois savoir s'il est en vie ou s'il est mort. Il me faut ce livre. C'est un coup monté. Il faut que j'arrive à savoir comment il a été monté, c'est tout. Les romans de Kane ont toujours eu un impact très fort sur les lecteurs. Voyez, c'est une carte. Vous avez organisé cette mascarade. Fichez le camp. Tout ceci n'est pas réel. Tout ce qui s'est passé, c'est la réalité. Ce livre va rendre les gens complètement fous. Eh bien, espérons-le. Le film sort le mois prochain. L'antre de la folie. Bon, bah du coup, en parlant de films angoissants et stressants. Une tempête. Oh. Ah, c'est pour moi. Bah oui, c'est pour toi. Hein. Alors, je vais vous parler. Putain, on a loupé l'enchaînement. Ouais, c'est pas grave. J'ai rencontré le diable de Kim Jong-un. D'accord. Oui, Kim Jong-un. C'était aussi lui, la balle dans la tête? Non, non, non, non, c'est Johnny. 2010, bah, il a fait le dernier rempart. Le dernier rempart, c'était chouette. Ah, c'était génial. Voilà, après, il a fait aussi les deux sœurs. Il a fait deux sœurs qui étaient bien, Bittersweet Life, et moi, j'adore le bon, la beauté cinglée. La beauté cinglée, excellent. C'est vraiment, c'est un Eastern, et c'est bien. Alors, si la c'est un Western, mais en Chine. Ouais, voilà. C'est à l'Est. Mais regarde pas avec cette tête-là, ça m'énerve. C'est un Eastern. Ouais, c'est un Eastern. Bref. Mais quelque part, la Chine, c'est aussi à l'Ouest. Bah, ça dépend à l'Ouest de qui, mais par rapport à la Normandie, par exemple, c'est à l'Est. Nord, ah ouais. Sud, parce que quelque part, on est toujours à l'Ouest de quelqu'un. Oui, mais toi, t'es toujours à l'Ouest, je confirme. Mais je suis à l'Est aussi. Ta gueule. Ok, bon. Merci. Vive la démocratie. T'as cru qu'on était en démocratie, toi? L'expression. L'expression. Ah, vas-y, mets ton gilet jaune à manifester. Ils sont plus que 3 là. Bah, en tout cas, ils ont réussi à bloquer un fond une heure et demie. Ah merde, on va perdre de l'audience, les gars. Arrêtez de cracher sur les gilets jaunes. Non, on crache pas. Hein. On crache pas. Ils nous écoutent pas. On crache pas, on crache pas, mais. Mais quand même. C'est ce qu'on transforme en émission politique. Non, mais Macron, il fait ce qu'il peut. Et... on a le peuple qu'on mérite, quoi, à un moment donné. Non, parlez pas politique avec Julien, s'il vous plaît. X-Hamster, Julien, X-Hamster, vas-y. Donc vas-y, Walid, t'en étais où? Non, bon, bon, je vais commencer les synopsis. Parce que sa fiancée... Allez, Marine. Il l'a fait, ce con. Sa fiancée qui est enceinte a été tuée par un prédateur sexuel. Un agent secret se met en quête de tuer ce psychopathe afin de mettre un point final à ses agissements. Mais toi aussi, t'es écrit comme un cochon. Je sais, mais j'ai essayé de m'appliquer. Oh, c'est trop mignon, je suis appliqué. Et... Fais la boucle. Oui, j'essaie de faire la boucle. Point final à ses agissements et... Étanche, ça se voit, feu de vengeance. Ah bah, étanche avec la tempête, ça correspond. Les deux hommes font livrer un combat de tueur absolu. Ce film, moi, j'adore. Qu'est-ce que je peux dire? Déjà, la première scène, où il va tuer la fiancée de l'agent, parce que les prénoms japonais, j'ai pas les noms. En plus, c'est coréen. Coréen, excusez-moi, je sais. Souillon. Souillon. C'est le mec. Souillon, ouais, mais moi c'était dans deux sœurs que ça m'a tué, il y avait Soumis et Souillon, quoi. Ouais, déjà. Ouais, c'est raciste. Voilà, on s'est défoncé. Maintenant, quoi, eux ça va. Ils s'en foutent. Qu'est-ce qu'on a à dire en ce moment? Les femmes. Je crois que c'est plus. On est plus sur la même. C'est surtout que toi, t'es entre les deux, Raph. C'est pour ça que toi, t'as pas le droit. J'ai pas le droit. De toute façon, tu peux dire ce que tu veux, on t'écoute pas. Vas-y, Walid. Marine. La première. Oh, mais t'as fini! Souillon, ouais, la première scène. Donc la première scène. La fiancée en rondelle. Oui, voilà. À coup de marteau, à coup de marteau. Bah, elle est quoi, rien? Attention, parce que comme elle a la peau douce, c'est plus facile à découper. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, moi aussi, c'est vrai. Oh, t'as la peau douce, ça va être plus simple. Cette scène. De toute façon, vu la taille du couteau. Cette scène m'a resté de marbre. La première fois que j'ai vu, j'étais. Je pensais que ça allait couper quand il allait la sortir de la voiture. On en est resté là, mais après ça continue à petit pleurer. Ouais, mais mine de rien, il nous montre pas ce qu'il fait quand même. Le tueur, on s'est suggéré, mais on le sent bien qu'il y a le bruit. Ouais, par contre, ce que fait l'agent, là, on le voit, en gros plan. Le coupage de tendon en gros plan, ça pique. Ah, oui, celui-là était sympa. Oui, mais folie, mais vraiment folie, celui-là. Et en fait, ouais, c'est. Cette scène-là, moi, m'a resté. C'est vrai qu'elle est. Quand elle dit je suis enceinte. Oui. Ne me tuez pas, je suis enceinte. Ouais. Bon. Ça rappelle à Seven, ça. Du coup, lien tout de suite, Fight Club. C'est vrai. Ouais. Ça commence à... Tout est lié. Ouais, c'est bien foutu, cette émission. Oh putain, on est balèze. Oh putain. Après, voilà. Et après, Du coup, après, il va s'en prendre à plusieurs autres, d'autres jeunes filles. Oui. Une à la guillotine. Okay, la scène ne dure pas longtemps. Vous êtes faire la critique. Bon, vas-y. Je crois que tu connais mieux le film. Tu vois. Ça, tu finis ces phrases. C'est mignon. Mais tu l'empêches de commencer en même temps. Alors vas-y, plusieurs jeunes femmes, tout ça. Plusieurs jeunes femmes, et après l'agent va le poursuivre ce prédateur sexuel. Ça veut dire qu'il a une idée de génie. Oui, de mettre. Bah. Oh, bah, c'est pas génial. Vas-y, Willy, explique l'idée déjà. L'idée, elle est originale. Originale. Merci. De rien. C'est servir de l'eau côté du micro, les gens vont tous avoir envie de pisser à ce moment-là. J'ai déjà envie de pisser. Pas toi, les gens qui écoutent. Personne n'écoute. 500 écoutes le mois dernier. Non, c'est pas vrai. Sur deux podcasts. Vous avez vraiment que ça à foutre de votre vie. C'est l'inverse de chez. Mais c'est pas moi qui ai écouté 500 fois, c'était pas mec. Moi je passe de l'audience tout seul, il se le passe en boucle tous les soirs et tout. Mais je vous réécoute pas, déjà je vous écoute au montage, c'était déjà compliqué. Il utilise ça comme berceuse pour t'en ramasser gosses. Oh bah non. T'entends ce qu'il dit, lui. Mais je dis rien, moi. Putain, je suis sage et tout, t'as vu, c'est... Chaque fois, c'est moi qui prends, quoi. T'aimes ça, prendre. Bah oui, mais bon. J'ai une autre... Pardon, Walid, vas-y. C'est vrai. Il met un émetteur chez le tueur pour le suivre. Il lui donne un peu d'argent pour le soigner, parce qu'il crois la première fois qu'il l'a vu, il l'a pété le poignet. Exprès, quand même. Exprès. C'était pas un hasard. Pour lui faire comprendre que souffrir, je vais te faire souffrir autant que fois que tu m'as fait souffrir ma femme. Mais aimer, c'est souffrir un peu. Voilà. Bon, ta gueule. Après, la scène la plus fou, je crois, c'est là qui sort, il va au taxi. Oui. Oui. Non, il y a un taxi qui s'arrête. Il y a un taxi qui s'arrête. Et après, il monte dans le taxi. Comme par hasard, il y a un tueur derrière. Et devant aussi. Devant aussi. Ouais. Je pars dans ce ça. Bon, il part pour le taxi et voilà. Il tue. Oh putain. Hein? C'est pas grave. Ah ben, j'ai vu, mais je comprends. Oui, c'est parce qu'il a pas vu. Bah, oui. En même temps, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. On n'est pas ici pour se faire chier à regarder les chaînes des autres. Exactement. Ça t'apprendra. La prochaine fois, tu regarderas, tu comprendras mieux. L'idée. Je sais qui tombe, mais voilà. Mais en plus, c'est vrai que cette scène-là, elle tombe un peu comme un cheveu sur la soupe. Oui, c'est vrai que quand tu résumes, tu te dis pourquoi, d'un coup, là, il tombe sur deux tueurs dans la voiture, deux psychopathes, autre. C'est un peu peur sur la vue, quoi. Oh, bah, version, Ouais, mais là, il tombe que sur... C'est le flic qui tombe dans une voiture, il y a deux tueurs. Non, c'est l'autre psychopathe. Le psychopathe qui tombe sur une voiture. C'est une ville où il y a plein de psychopathes. C'est ça. Oui, voilà. Au mètre carré, il y en a un paquet parce qu'il en rencontre encore d'autres après. C'est-à-dire qu'il y a cinq mecs au total qui étaient soupçonnés d'avoir tué la femme. Du personnage principal, et il va les éliminer au fur et à mesure, et il manque de peau, et bah on va retrouver un des mecs qui est soupçonné avec le gars qui a vraiment tué sa femme dans un taxi en même temps. Non, ça c'est. Non. C'est quand il sort de. Non, c'est 1000 fois 1000 personnes. C'est quand. quand la première fois qu'il se fait tabasser, après il repart à pied, voilà. Et il y a un taxi qui s'arrête pour le déposer, et le taxi c'est de deux autres psychopathes qui n'ont rien à voir là-dedans, voilà, mais qui sont là. C'est un film de Luc Besson. Et qui ont encore tué. Non, mais il y a beaucoup de taxis. J'avais pensé à la franchement. Et qui avait aussi tué le chauffeur de taxi qui retourne dans le coffre après. Ouais, ça fait plaisir. Mais c'est vrai qu'il y a quand même que des psychopathes. Parce que à la base, c'est le psychopathe en question. Le psychopathe 1. Un chauffeur de bus scolaire. Donc c'est pour ça, après, c'est allié sur le transport. On l'a jusqu'à la fin, le transport. Pas le taxi. Donc après, ça qui retombe sur des psychopathes. Ça se passe beaucoup la nuit aussi. Oui, il y a beaucoup de jeux de lumière. L'agent est toujours en lumière blanc. Et le psychopathe est toujours en lumière rouge dans les voitures. Ouais. Et, Alors par contre, j'avais noté moi que des fois il y a des super beaux plans, mais par contre les scènes de nuit c'est vraiment filmé et mis en lumière comme un mauvais film de cul. Hein. Souvent, je les ai trouvés très moches les lumières. Il y a des très bons films de cul. Hein. Oui, mais là c'était ouais, filmé comme un moche. Je peux rien. Ça m'étonne parce qu'il est. J'ai trouvé un acteur. Ouais, je sais, mais ça m'a choqué hier soir. Ça m'a choqué. Il y a des plans que je trouvais super beaux, mais il y a d'autres plans de nuit où je trouvais que c'était un moche. Oui, la première scène, tu regardes à l'intérieur. Ah non, celle, la première scène est bien. Mais à d'autres moments, il est dans le noir. Enfin, il s'est filmé dehors et c'était super moche. Je trouvais super moche. Voilà. Alors je le dis. Après il va. Vas-y. Après le taxi, il va se soigner chez un docteur. Un taxi, c'est le garagiste. Il faut... Mais non, il soigne pas le taxi, il se soigne. Oh putain. Il va se soigner chez un docteur et il va essayer de virer la secrétaire. La secrétaire du centre. Du centre. Et l'agent, vu qu'il a mis son écoute. Il sait ce qui se passe. Il sait qu'est-ce qui se passe. Il attend un petit peu que ça se passe. Il n'a pas de bien sûr de ce qui se passe. C'est le flic. Vas-y, viens là, je filme et puis après je t'arrête. Il le tabasse. Il fait un flagrant délit. Flagrant délit. Il le tabasse et la fermière essaie de sortir. Il tabasse bien. De la pièce parce que gros. C'est le taxi qui essaie de sortir de l'infirmière. Il y a le mec qui est sorti de l'infirmière déjà, et après l'infirmière essaie de sortir de la pièce. On sait plus qui rentre dans qui ou qui sort de qui, nous. On sait plus, nous, dans tout ça. Et là, en plus, t'es en train de mélanger le résumé et X-Hamster, ça marche pas. Je me rappelais pas que Jumanji c'était si beau. Tu fais une fixation sur Jumanji en ce moment. Là, c'était 1 et 2. Il n'y en avait que 2. Vas-y, c'est bon, la secrétaire essaye de ressortir. Oui, là, l'agent le fait bien souffrir, le coupe le tendon d'Achille. Doucement. Doucement, avec amour. Il fait bien... avec un scalpel. Ah oui, il peut filmer en gros plan et tout, en loupant une miette. Mmh. Il le fait soigner. Il le fait soigner par l'infirmière, il lui dit, attends, soigne-le. T'en vas pas pour le soigner. Moi, c'est là où j'ai pas compris. Je me suis dit, mais attends, la fille, elle vient de se. Oui, mais ils s'en foutent complètement, la fille. C'est sa vengeance qui l'intéresse. Ah, il en a rien à foutre. Ouais, pourquoi la fille, elle l'a soignée quand même, c'est rien. Bah, ça, tu te barres. Déjà, tu te barres en courant, tu te barres pas tranquillou. Si mes souvenirs sont bons. Putain, mais je l'ai vu ce matin. Ah oui, quand même. Non, on l'a vu hier soir. Mais t'as un problème de mémoire. Hein. Vous êtes qui, monsieur? Je fais là, moi. Je sais pas raconter une histoire. Je suis une. Mais si, oui, je suis. Ce podcast est fou. Voilà, ce podcast est fou. Il essaye de. Je crois que c'est là avec les cannibales. C'est une. Oui. Sérieux, il y a les cannibales. Oui, oui. Il va chez des copains à lui qui tiennent une auberge. Cannibale. Alors en fait, du coup, toutes les nanas qui zigouillent et qui découpent en morceaux, c'est pour apporter à son pote. Qui lui-même en zigouille et en découpe d'autres. Hein. On voit qu'il a un congèle bien rempli. Un congèle, il a pris, il a aussi. Et puis il a un petit cellier pour les faire maturer. Il était triste et du coup, il a voulu en dégommer d'autres parce qu'il avait plus d'intestin. Ah, c'est bon. Il avait plus d'intestin. Il l'a dégommé, c'est logique. T'as plus d'andouillette. Arrêtez de courir, s'il te plaît. Il y a 16 ou 18 16. Il n'y a pas de bite en gros plan. C'est quoi le titre du film? J'ai rencontré le diable. C'est vrai que c'est bien. À un moment donné, il y en a un qui se fait casser. Au tout début, il y en a qui se fait exploser le pénis à coup de marteau. Oui. C'est le premier suspect, je crois. Et ça aussi, tu le vois en gros plan, ça, ça fait mal. Ouais. Ah, c'est quoi, rien, c'est. Ils sont fous. Ils aiment bien le marteau. Oui, c'est vrai, quand tu vois aussi The Chaser ou. Old Boy aussi. Ah, il joue une sick aussi d'ailleurs. Mm. Ouais, donc il y a des cannibales. Il y a des cannibales. Là, il. Je sais pas, ouais. C'est à partir de là qu'il découvre qu'il suffit qu'il y ait une bonne chasse pour enlever l'émetteur. Et voilà. Et après, le psychopathe essaie de se venger. Et il sait. Il y arrive. Il va arriver. Il va tuer le père et la sœur du. De la fiancée de l'agent. Et après il veut se rendre. Et après il veut se rendre pour. Pour bien lui niquer la gueule jusqu'au bout. Et après l'agent essaie de. Oh putain, c'est pas vrai. Vas-y, l'agent il le reprend. L'agent le reprend et pour jouer jusqu'à la fin, il le met dans le cellier où. Bah dans sa pièce où il. Dans sa pièce où il fait un piège pour lui couper la tête devant ses parents et son fils. Voilà. et que ce soit vraiment séparer son fils qui lui coupe la tête en ouvrant la porte. Scène, quand il a la corde dans la bouche, ouais. Il est rattaché à la poignée de la porte, et donc il y a son gamin qui va ouvrir la porte, et lui, il peut pas lâcher la corde. Il fait « ouvre la porte, putain !» Et il finit par ouvrir la porte, parce qu'il comprend pas ce qu'il dit. En plus, ils entendent « Mais qu'est-ce qu'il raconte, ce con ?» Qu'est-ce qu'il raconte ? Et là, on a la tête qui roule. Quick. C'est qui perd la tête ? Le psychopathe. Non, parce que l'autre, il est gentil. Le vrai psycho, là. Ouais, gentil. Parce que l'autre, gentil, ouais. Non, je rigole. Et moi, ce qui m'a... Enfin, quand on voit, justement, le mec qui se venge, tout le long du film, on le voit avec un visage impassible. Et vers la fin, il craque. Et à la fin, voilà, quand il sait que... Parce qu'il a des écouteurs, quand même. Il écoute ce qui se passe. L'agonie. Une fois que la tête est tranchée, il enlève ses écouteurs et il marche comme ça sur la route. Et il chouine. Brouillard, et puis là, il se lâche, quoi. Je crois que c'est déjà bien lâché avant, quand même. Oui, non, mais il a... Voilà, là, il a... Comme tu disais... En termes d'émotion, parce que ce qu'elle disait avant, c'est qu'il était ultra glacial. Et là, c'est pour ça que la lumière est blanche à chaque fois. Et il a appris par le psychopathe que sa fiancée était enceinte. Était enceinte, celui de sa... Ça, c'est vrai, c'est le petit plus. C'est... Ah, tu savais pas. Il lui a rendu service. Et vers la fin, là, la lumière, elle est sombre, et lui, il est plus rouge, tu vois. C'est vrai. Ouais, il y a un jeu sur ça. Il y a un jeu de lumière. Mais c'est vrai que ce qui est fort dans cette scène-là, t'as beau savoir que le psychopathe est mort, t'as zéro empathie quand même. Et voilà. Mais aussi, si t'en as un peu pour le gamin, quand tu le vois derrière la porte, t'as envie de lui dire ouvre pas la porte, mais c'est pour le gamin, c'est pas pour le. Gamin, ouais. C'est pas pour le père. Non, au contraire, là, t'as envie de lui dire ouvre-la quand même. Mais regarde pas. Voilà. Ouvre-la en moonwalk. Bon, personne l'a vu à part nous, en fait, le film. C'est ça. Tu l'as pas vu ? Mais si. Oui. Du coup, comment j'aurais fait sinon pour t'essayer de t'aider ? Oh, non, mais c'est bien, c'est qu'elle l'aide et après elle l'assassine un bon coup comme ça. J'ai l'habitude. C'est bien. Ce que t'en avais pensé, tu disais ce que t'en avais pensé. Ah, moi j'en ai pensé, c'est vraiment. C'est limite horreur. C'est pas mettre à toutes les mains. C'est hyper barré, c'est. Bah, peut-être un peu trop barré, enfin un peu trop. Gore, quoi. Enfin. Oui, mais. C'est la volonté du réalisateur, et c'est pour montrer que l'héros est pas gentil, mais c'est qui est. C'est ça, c'est comme en fait qu'il y a beaucoup de choses qui sont suggérées, je sais pas si c'est pire ou pas que ce soit un truc suggéré comme ça ou qu'on le voit en fait. Parce que du coup on s'imagine la chose et la sensation aussi, ça fait mal quoi. Mais pour le coup, le mec qui s'est fait écraser à coup de marteau, on peut pas savoir ce que ça pas trop parlé, toi. C'est très bien imaginé. Il y a une scène que j'ai pas regardée, c'est quand il se fait défoncer la tronche à l'extincteur là, ou je sais pas quoi. Au maillet, quand il tue le père avec son maillet. Ouais. Non, parce qu'il y a des moments, c'est trop quoi. Ça... C'est même pas absensible parce que. Moi, ce que j'ai surtout trouvé, c'est qu'il y a trop de putains de psychopathes dans une seule ville. Oui, voilà, les taxis, les cannibales, tu dis, mais il y a que des tarés dans cette ville, il n'y en a pas un seul qui est normal. Le flic, il est pas beaucoup mieux quand même. Il y a un enterre. Oh, mais arrête de me faire chier. J'ai dit Aubervilliers, tu vois, que j'avais même pas de poil. Pourquoi Aubervilliers? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, Joinville-le-Pont alors. Bah non, Joinville-le-Pont. Pompon. Mais du coup, l'infirmière, elle prend le taxi après. Qu'est-ce que dirait l'infirmière en fait? On sait pas. On s'en fout. On sait pas. Ah, c'est pas fait violer, c'est très bien. Ah, c'est même pas fait violer. Ah, tu sais, mais c'est pas coupé. Ah, la sucée. On voit pas ça. C'est suggéré. Ah bon? Ah non, elle se baisse. Elle se baisse et il a l'air très content. Alors, à part s'il a lui refait ses lacets, très bien. Il soupire les mains, quoi. Ah, mais non. Ah, peut-être qu'il aime bien qu'on lui refasse ses lacets. Sûrement. Un nœud coulant. Et le psycho, là, c'est dans quel film qu'on l'a vu aussi? Dans Old Boy. Old Boy, mais j'ai pas vu. Aussi Lady Vengeance. Ah oui, c'est vrai. On l'a pas vu dans Transpersonnage, non, c'est pas non. Aussi. Si, voilà, il me semblait bien. Non, lui, non, c'est pas personne, lui. C'est Bonjour. Ah, c'est Bonjour. C'est lui qui joue dans Memories of Murder. Oui. Chinois, est-ce qu'on se tous? Ouais, c'est des Coréens. Alors, si en plus c'est Coréens, comment ça s'en va? On peut pas cautionner ça. Alors, on peut pas cautionner. Autant les Juifs et les Arabes, à la limite. Mais alors, pas les Chinois. Ni les Coréens, du coup. Ah, c'est vrai, je l'avais vu dans. Moi, c'est pareil. Dans Le Bon, la brute et le cinglé, c'est Bonjour, justement. Non. Ah bah les Chinois, ils vont finir par se plaindre. Hein. Non, pas bon. Bah, du coup, c'est à moi alors. Ah, ouais, voilà, attends. Alors, moi, finalement, je changeais d'avis comme Raph. Je n'ai pas regardé The Wall, j'ai regardé La cabane dans les bois. The Wall, je vais le garder quand on fera un truc musical. Le trou ? Le trou. Pas The Hall, The Wall. Ouais, Julien aussi, ce week-end, il a regardé The Glory Hall, mais c'était pas pareil. Merci, Julien. Ça fait plaisir. Donc, La cabane dans les bois. Cinq jeunes vont passer un week-end dans une cabane perdue dans les bois. Ils vont tous se faire tuer. Ouais. Quelle idée. J'ai résumé trois histoires de plus d'horreur depuis. Mais alors, attention, là, il y a un twist. C'est que l'endroit, c'est une sorte d'hôtel sacrificiel pour les grands anciens. Et chacun de ces jeunes correspond à un stéréotype. Il faut qu'ils meurent dans un ordre précis, avec des conditions précises. Ils doivent choisir le moyen de leur trépas. Ils ont tout un arsenal. Oui, t'as vu, il est beau, le trépas. Pas mal, bien placé. Ils ont tout un arsenal à leur disposition dans la cave. Un peu comme chez toi, Julien. Moi, j'ai tout dans la cave. Oui, ben, je sais. La chambre des mille plaisirs. Là, ils ont à peu près la même chose, mais c'est la chambre des mille souffrances. Ah. Et voilà, du coup, on se rend compte que tout est manipulé, même les jeunes ne sont... Pour les faire rentrer un petit peu dans les stéréotypes, ils les droguent ou ils font des trucs à gauche à droite pour les inciter à être plus cons qu'ils ne le sont, ou, enfin, c'est un peu... rentrer dans les clichés. Voilà, pour bien rentrer dans les clichés, même à la fin, la nana, elle dit, ouais, la vierge va survivre, et l'héroïne, elle dit, vierge, voilà, et du coup, la dirigeante, entre guillemets, dit, ouais, mais on fait avec ce qu'on a, hein. Comme ça, tu comprends bien qu'il plie un petit peu les gens au truc comme il faut. Ouais, c'est ça, t'as la vierge, t'as le sportif, t'as le fumeur de joint. La vierge, le pétard, ouais. La catin, et le dernier, l'intellectuel. Et l'intello, ouais. Voilà, alors l'intello, c'est juste parce qu'il a des lunettes, hein. Ouais, ouais. Classique des films d'horreur. Il manque le black, quand même, qui s'est buté en premier. Le black qui s'est buté en premier. Dans tous les films d'horreur. Ah oui, dans les films d'horreur, oui, mais non, là, dans le sacrifice, il y est parce pas. Parce qu'on est dans le cliché des personnages. Oui, c'est vrai, c'est vrai. En fait, hein. Bah, déjà, t'es dans le cliché dès le début où les mecs, t'as le sportif qui arrive, la blonde qui se balade en culotte, enfin. Et puis même la musique, on dirait Scream le début, franchement. C'est une espèce de pop rock. Et puis, petit à petit, ça twist, tu vois, ces mecs-là de l'administration, costard cravate, ils disent, bon, alors ce soir, on va faire les paris, qu'est-ce qui va sortir? Tiens, la Norvège, ils sont plantés. Et petit à petit, tu comprends que c'est l'avenir de l'humanité qui est entre leurs mains, parce que si tous les sacrifices échouent, ben, c'est la fin du monde. Et bêtement, dans tous les pays, plus le film avance, plus on se rend compte que, putain, il reste plus que nous et le Japon. Et ah, merde, même le Japon. Ouais, le Japon, ça, c'est cool. T'as toutes les gamines qui chantent et la fausse Sadako, mais, oh, la grenouille de l'amour. C'est trop cool. Elle loupé. Donc les mecs, ça va, ouais, ils te reposent sur nous, mais de toute façon, on se loupe jamais. Et puis, ben, eh ben, ils se loupent, quoi. Parce que le fonce-dé, il est tellement fonzé qu'il y a rien d'autre qui prend sur lui. La vierge, elle veut pas mourir. Enfin, c'est la catastrophe. Et au final, effectivement, les grands anciens se réveillent. C'est peut-être le point négatif du film, à mon goût. Parce que t'attends vraiment de les voir, les grands anciens. À la fin, tu as juste une grosse paluche qui se lève et qui écrase. Ça déçoit. Ah ouais, non. Ça fait un peu de ta bouche. Ouais, puis surtout, c'est juste une main. Elle est grosse, ouais, mais c'est une main. Ouais, mais ça représente un dieu. C'est ouais, mais j'aurais préféré une fin, tu vois, comme... Enfin, personne n'a vu un cri dans l'océan, mais un peu comme un cri dans l'océan où tu vois une espèce de grosse forêt vue de loin et les arbres qui s'abattent sans que tu comprennes pourquoi. T'as un truc un peu plus mystérieux parce que là, il parle des grands anciens, c'est un truc super mystérieux, puis d'un coup, tu as juste une grosse main qui... Ouais, c'est un géant, quoi. Un géant, mais un géant quand même. Ouais, ça prend aussi, c'est la main du réalisateur qui finit son film. C'est ce que nous on avait fait sur notre long métrage, en fait. Je m'en rappelle. On avait commencé à ça. Je pense que c'est une référence à notre film. Ah, tu crois? Ah non, ce que là j'aime bien alors. C'est lui qui est produit par Joss Whedon, on est d'accord? Réalisé par Drew Goddard et scénarisé et produit par Joss Whedon. D'accord, c'est celui-là. J'ai bien aimé tout le moment avec les mensonges. Ah ouais, la fin quand il tombe justement dans la ménagerie. Et tu commences à voir un faux Pinhead, un fantôme assez bien fait d'ailleurs. C'est bourré de références. C'est pété de références. Mais j'aime bien, c'est le mec qui attend la salamande depuis le début et qui se fait buter par le triton, c'est ça, ouais. En plus, il est moche, putain, c'est, le triton. C'est affreux, le truc, quoi. On dirait les hommes-poissons dans les trucs de chez Lovecraft, là. Dans le téléfilm, Lovecraft? Non, je pensais au livre ou au jeu, là, je joue. Il y a un téléfilm avec. Dark Corner of the Earth. Avec Lovecraft, avec les... Ouais, Dagon, mais justement, Dagon, c'est aussi dans le jeu Dark Corner of the Earth, c'est quoi, pour ça qu'on voit les poissons, les hommes-poissons. Mais ouais, le mec, tout le long du film, ah, c'est dommage, j'aurais pas vu les tritons. Ben si, fin du monde, t'en vois un de trop près. Et c'est vrai que c'est très sale, cette scène-là, ça en fout partout. Quand ils ouvrent la ménagerie, tu as les portes d'ascenseur, bling, fouah, première vague. C'est vrai que c'est là ça devient vraiment dégueulasse. C'est trash. L'espèce de robot avec la tronçonneuse, t'as les faux Cénobites, y en a plein. Le loup-garou, les gros classiques. C'est une vraie boucherie, quoi. Et j'ai vraiment, c'est vrai que j'ai bien aimé. En plus, le film est super malin, il est méta, il te parle de justement, des cinémas, des stéréotypes et de tout. Il te démonte tout un par un en disant, c'est tout collé pour que toi tu vois ça. Il y a vraiment un degré intéressant de double degré de lecture, quoi. C'est fou. Ça se moque des films d'horreur. Ça se moque des films d'horreur et ça. Un mec qui aime les films d'horreur. Ouais, ça se moque pas parce qu'en fait, ça te démonte les mécanismes et ça te démonte pourquoi toi tu aimes et en plus, d'un autre côté, ça te met aussi dans la position des dieux anciens qui, toi, tout au long du film, t'attends d'avoir ta dose de sang au final. Ne t'en déplaise, vu que tu n'aimes pas, ça rappelle quand même Scream. De l'intention de Craven, et c'est à peu près. Oui, même le début, on est. Non, mais j'aime pas ce que j'aime bien le premier Scream. Non, mais excellent le premier Scream. Non, et le 4, ça passe. Mais j'aime pas Wes Craven, ça, par contre, oui. J'adore. Mais t'as le droit. Mais c'est pas lui qui a eu le carrosse d'or. Toujours est-il que non, mais moi j'ai bien aimé ce film, mais j'adore Joss Whedon, j'adore Buffy. Bah c'est vrai que j'adore Buffy, j'adore le Cabin. Mais Buffy, en fait, j'ai regardé la première saison, j'ai trouvé ça sympa et j'aimais hein, le côté justement retourner un peu des codes et je me souviens de la fin de la première saison de Buffy, le gros monstre qu'on en parle depuis le début, ça va être le roi des vampires machin qui se fait laminer en deux coups de latte. C'est super drôle. On l'a retrouvé aussi dans Avenger avec Loki qui fait son discours et Hulk qui le tabasse comme un tapis. Et là, je trouve qu'on l'a aussi un petit peu, c'est pas de la même manière, mais on le voit apparaître aussi, quoi. C'est ça. J'aime bien ce retournement de situation et de classe. Non, c'est chouette. Moi, je me souviens surtout, je m'attendais pas. Je vais voir au cinéma, moi, je me renseignais vraiment sur les films. Ouais. J'aime pas trop être spoilé. Je m'attendais pas du tout à ça, ça m'a vraiment surpris. Moi, j'ai adoré la pitch, mais je crois que c'est toi qui me l'avais raconté un peu le film. C'est pour ça que je l'avais vu, parce qu'au début, ça m'intéressait pas, moi. Oui, moi je venais voir un énième, en effet, film d'horreur, avec des ados qui sont défoncés, exactement comme ça commence, quoi. Voilà, le délire, en plus, qu'il perd dans ses dieux anciens et tout, c'est énorme. Ouais, moi je trouvais ça cool, ça me donne envie de le revoir, tu vois, ça fait longtemps. Bah voilà, tu vois. J'adore. Tout le monde est prêt? Alors en route, c'est parti! C'est même pas sur le GPS. Justement, c'est ce qu'on veut. T'es connecté avec tout, non? Y'a quelqu'un? C'est pourtant écrit fermé, non? On cherche... c'est quoi le nom? Tillerman Road. Je peux vous y emmener, mais en revenir... Ça, c'est votre problème. C'est un truc de fou. Wow. C'est pas vrai. Les moutons ont passé la porte. Ils sont bons pour l'abattoir. Que la fête commence! J'ai l'impression qu'il se passe des trucs bizarres. Ce truc. Il faut qu'on reste groupés. C'est pas normal. Il vaut mieux se séparer. Ouais, bonne idée. Sérieux? Faut se tirer d'ici. Quelqu'un envoie ces choses pour nous tuer. Non, tu te plantes. Ils veulent nous voir souffrir. Devra arriver à nous faire descendre. Et tu crois que c'est une bonne idée? Ça va, on a choisi des bons films ce mois-ci. Ouais, ça va. Bah tiens, du coup, on va faire des petites recos tant qu'on est là dans les bons films comme ça. Julien. Quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais en plus pour les vacances, tout ça? Vas-y, lâche-toi. Bah non! Quoi, conseil? Bah conseil... Je sais rien. Merci Julien. Bon, Raph, t'as une idée, toi, d'un truc à conseiller pendant les vacances pour nos quelques auditeurs qui sont durés? Qui sont restés jusqu'à là. Bah écoute, là, moi je suis. On augmente en termes d'écoute. Bah, j'étais pas allé au ciné, je suis allé voir The Dead Don't Die, j'ai trouvé ça très cool. Ah ouais. De nouveau Jarmusch. Ouais. Je t'avais dit que t'étais hipster. Ça n'a rien à voir. Ça va plaire, ça. C'est un film de zombies. Et il y a Bill Murray. Il y a Bill Murray. Et il est super avec, je retiens jamais son nom, l'acteur de Star Wars. Là, ah oui, c'est ça, je me disais, sa tête, elle me dit quelque chose. Kylo Ren. C'est ça, Kylo Ren. Bah voilà, appelle-le Kylo Ren, ça va aller. Il s'est calé sur le jeu de Bill Murray, et ils font un duo terrible. C'est vraiment eux les personnages principaux de tout le film, et ils sont vraiment super. Rien que pour eux, ça vaut la peine de le voir, en fait. C'est vraiment très cool. Ouais, c'est fait dégommer par les spectateurs. C'est vrai. Même par les critiques. Il doit être à deux et quelques. Moi, j'ai beaucoup. Les gens, ils ont dit que Bill Murray, il était complètement, il sentait perché, quoi. Ouais, mais c'est ça. Mais Bill Murray, il fait son Bill Murray, quand même. C'est le mec qui a, ouais, Bill Murray, il est perché. Ouais. C'est Bill Murray, quoi. Et c'est très, non, c'est très caricatural du film de zombies, mais avec le, ouais, la touche de Jarmusch, du budget, clairement. Un casting de ouf. Ouais, casting. Je trouve ça assez cool, en fait. Bon, bah, d'accord. C'est bon, parce que vous êtes, d'ailleurs, ça rentre dans la thématique de ce film, tu vois, il y a... La blonde, Kate Blanchett? Kate Blanchett. Donc, on va y arriver. Elle joue un médecin légiste, mais qui se comporte, comme un robot, en fait, la façon dont elle parle, tu vois, quand elle arrive à décliner l'identité, elle fait genre, bonjour, Olivier Arien, tu vois, machin, qui habite, machin, enfin, c'est trop bizarre, un personnage qui est trop décalé, qui a rien à voir avec le film, parce que le film, sinon, c'est vraiment l'histoire du film de zombie classique, en fait, mais complètement berché, parce que Bill Murray et compagnie. Et en fait, genre, ça a rien à voir, c'est un personnage qui est hyper, qui a un foutage de gueule de Kill Bill, en fait, elle se bat avec un katana, elle bute les zombies. C'est pas plutôt Tilda Swinton, alors? Tilda Swinton, putain, c'est ça. C'est ce que j'allais lui dire. C'est Tilda Swinton, évidemment. Et donc, c'est vraiment cool. Ah, c'est vrai qu'ils se ressemblent. C'est vraiment bon, cool. Bon. Et genre, pendant la scène finale, genre, où Bill Murray et son acolyte sont venus des zombies, là, normal, c'est pour ça. Bah, elle arrive, et elle se fait, genre, t'as une soucoupe volante qui arrive, t'as des extraterrestres, qui n'ont rien à voir. Ah, on dirait Nowhere, un peu, non? Rien à voir. Mais c'est un peu genre de délire, mine de rien, tu vois. Noir aurait été un bon film fou pour ça. Qui arrive et a dit, bah, genre, en gros, bah, c'est bon, j'ai fini, je rentre. Et c'est qu'il n'y a rien à voir avec le reste du film, tu sais pas pourquoi c'était là, quoi. Il y a pas mal de références, de clins d'œil, de trucs. T'as quand même, si t'as Serena Gomez qui se fait buter. Ça c'est vraiment la critique que j'aurais faire à ce film, c'est qu'on la voit pas mourir. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est frustrant. Parce que ça fait quand même bien défoncé, moi, là, quoi. Non, c'est cool. Bon, franchement, moi, The Dead Don't Die, je recommande, mais j'ai bien aimé. Bon, bah, ok. Moi, je recommanderais, si les gens prennent l'avion ou Destination Finale avant de partir, c'est sympa. Ouais. Alors, s'ils vont voir des courses de voitures, c'est plutôt le 4 ou le 5. Le 3, c'est les parcs d'attractions. Ouais, ça, c'est qu'on voit avant la fin du monde. Le dernier est très bien. Sinon, il y a Piranha 3D. Oh, j'ai pas aimé. C'est sympa. Piranha 3D, ouais. Ouais. Non, Destination Finale, en dehors du 1. Si, le 2, j'avais dit. Il y a des morts sympas dans le 2. Green Book, voilà, j'ai bien aimé ça. Green Book? Green Book, quoi. Ça, c'est marrant, ça. Et aussi, Parasite. Et... Ah oui, Parasite de Bong Joon, là. Ouais. Palme d'Or. Palme d'Or. Une fois que... Tu l'as vu, toi? Non, mais non. Les retours. Oui, les retours sont énormes. Et puis, Bong Joon, il a jamais déçu, quoi. Et ça reste dans le thème, j'ai un peu le synopsis. Folie. Oui, Non, bah forcément, justement, hein, c'est les vacances, c'est des recos longue durée, quoi. Sinon, on connaît plus, quoi. Bah ouais, c'est moche, la vie. Par contre, tu vois, moi, du coup, je connais plus le ciné, mais j'ai eu le temps de regarder un petit peu des séries, et American Gods, je recommande fortement. D'accord. J'ai regardé Julien. C'est la série Amazon, Ouais, c'est Amazon, mais là, elle est aussi sortie en DVD. Morgan Freeman. Non. Dès qu'on dit Dieu, maintenant, il y a Morgan Freeman, mais non. Il y a le mec d'Evolution, le Black d'Evolution qui joue dedans. J'aime bien Evolution. Mais ouais, en tout cas, American Gods, la série, elle est vraiment pas mal et le livre est très bien. Et tiens, on va faire des recos intellectuels, je vais recommander des livres. Non, toute la saga du Bourbon Kid pour les vacances, ça se lit tout seul. Et toi ? La saga du Bourbon Kid, par un auteur anonyme. Et le premier, ça s'appelle Le Livre Sans Nom, histoire de bien t'aider à le trouver en magasin. Et ça se termine par des interrogatoires fusil à pompe rectale aussi. Et c'est vraiment très très bien à lire. C'est très drôle, c'est pété de références. Voilà. Héloïse, t'as quelque chose à recommander ? Bah écoute, sur un malentendu, oui. Vas-y. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai voulu regarder The Wall, mais je suis pas tombé sur le bon. Mais au final, ça collait très bien. Ça collait très bien avec le thème. J'ai regardé celui de Doug Liman, qui date de 2017, où ça parle de deux soldats américains qui se font prendre pour cible par un tireur d'élite irakien. Et ce qui se passe dans ce film, c'est que en gros, les soldats américains sont appelés pour des renforts et vont se faire piéger par le tireur d'élite. Et en fait, je vais pas tout raconter, mais... Non. Non, mais c'est vrai que c'est une reco, on va pas leur spoiler en leur disant regardez. Parce que là, vous êtes en train de spoiler tout le monde, donc ils vont pas regarder. Mais non, on spoil pas. Oh. Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'il va y avoir un enchaînement de situations qui vont faire. On va voir que les Américains vont se faire complètement manipuler. Et ça va continuer encore et encore et encore. Bon, bah voilà, quelqu'un a encore autre chose à ajouter ou c'est bon là, on va pouvoir manger les bonbons? Ouais, grave, les chips. Un whisky. Non, pas de chips. Out of Patricia aussi. Out of... Non, mais merde, en plus je t'écoute sérieusement, sale con. Pour les enfants, n'allez pas voir Royal Gorky. Hein. Bah, de toute façon, ça passe déjà plus. Non. Voilà. Et voilà, du coup, ça va être la fin de cette saison qui a été assez amusante. À part les films à Raphaël que personne ne regarde jamais. Non, bah, c'est pas grave. Hein. Je reviendrai avec tout un nouveau catalogue de films. Encore, bien pourri. encore plus pourri. Vous allez encore en chier. Du coup, on se retrouvera en octobre seulement. Parce qu'en septembre, nous, on va être un peu pris puisqu'on va se marier. Oh, bah, pas tous ensemble, juste Émilie et moi, rassurez-vous. On va se marier. Non, pas toi. Pas toi. Et du coup, ouais, en septembre, on va être un peu occupé, donc on va se retrouver en octobre. Et on rattaquera en octobre avec les films d'horreur. Voilà. Bah oui, parce qu'après le mariage. Ah bah oui, après tu découvres la réalité. Film de divorce. C'est surtout qu'on va être juste. Kramer contre Kramer. Ouais. Génial, mais pas en divorce. Génial, mais pas en divorce. Très bon exemple, bravo. Ouais. Madame Doubtfire. C'est vrai. Bon, bref, en tout cas, on se retrouve l'année prochaine en octobre. Merci de nous avoir écoutés. Ouais, salut à tous. Salut. Et surtout, n'oubliez pas, vous pouvez maintenant nous suivre sur Podcast Addict, la meilleure appli de podcast à mon goût, Deezer et Spotify. Voilà. Allez, bonnes vacances tout le monde. On aura des petites chroniques pendant l'été et on se retrouve en octobre pour les films d'horreur. Salut à tous. Stop. We'll be right back. C'est maintenant que tu dis ta mère suce des bitons. Ah non, je n'ai plus envie.